En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 100 de la saison 2019-2020 de la soirée du podcast. 100! L'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Yeah. Le numéro 24, Marc Véro. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 31, JF Mallette. Yeah. Le numéro 88, Alex Cron. Oh yeah. Et le numéro 75, votre animateur, JF. Yeah! Oh, c'est ça, ça tourne un petit peu. Ouais. Peut-être trop vite. Oh, on se la donne, on se la donne. L'ascension, on y va. Ouais, là, on se la donne. Fade out. Remix! En plus, tu coupes ça dans le moment où il va s'emporter. Ouais, on est pas lourd. Oh, ok. Il est comme en train d'échapper sa perruque. Il est comme un envolé. Là. Sa prothèse capillaire que tu m'as décollée. Donc, bienvenue tout le monde à la 100e épisode de la soirée du podcast. Émission de discussion ouverte sur les activités du Canada Montréal et de la Ligue nationale ouverte. De hockey. Et on vous en parle bien sûr avec passion et boisson, des sujets chauds couverts par des gars chauds pour 100 épisodes. 100 épisodes. Allons donc. Combien bien que c'est ça? Faudrait faire un petit calcul, on va aller faire d'ailleurs un avant-match là-dessus. Ben oui, de retour pour une 7e saison consécutive de la soirée du podcast. Toujours là pour vous servir de nos propos disgracieux et rottes dans les micros. Ouais. Le moins possible. Le moins possible. On va essayer de garder un petit gêne. On évolue. On verra en troisième période. Ça sera pas un épisode avec Dave, c'est un point rot. Ouais, c'est ça. Ben, Alex, il est là, il est popé, lui tout. Ouais, ouais, Alex Cromp, qui est un fan club, ça a l'air sur Facebook. Oui, là, ben moi, regarde. On salue Louis-William Gagné, moi, je pense. Le gars, ton fan club. Regarde, qui t'a demandé, toi? Hey, faut juste la dire. T'as chié dans les coins. Non, je la joue Hard to Get, est-ce je la joue Hard to Get. Ouais, il se la joue si va. Oh, ta bande, tu m'as craché dessus. Ouais, ben c'est correct, c'est un frère. On est comme les frères Cédine, d'ailleurs. <d'accord, d'accord. rire> Partagez tout. On n'est pas juste liés de sang, mais liés de barbe. Partage tout. Commençons avec quelque chose de gros que les gens attendent. Le gagnant du pool. Yeah! En fait, le gagnant des tirages pour les billets ici. Le gagnant du pool! On a 4 games de jouer! Qui a gagné le pool? C'est Martin. Au début, JF voulait qu'on fasse tirer le premier comme dans le pool. J'ai dit, ouais, mais c'est parce qu'il va y avoir 4 games puis ça va être Martin. C'est... non, mais au mois de décembre. En tout cas. À la fin de l'année. Ça reste l'année, tu vas finir dans le pool. Non, on va avoir une chance égale pour tout le monde. Et puis, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supervisé par la firme Cromp et Touche. Cromp et Touche. Cromp, je te touche. Ouais, c'est ça. Je suis allé chercher. En fait, j'ai pris un logiciel de sélection aléatoire parmi tout le monde qui a participé au pool. Est rendu big. Et on va d'ailleurs y aller comme ça parce qu'on est tellement big qu'on l'a en vidéo on ce pool-là. On l'a live. Ben, live, semi-live. Alors voici maintenant le gagnant le tirage. Pour le tirage. Aye, pour attention, les attention. Allons-y tout le monde. Donc ça start. Start et les noms qui vont aller. Et le comme un boulier, le boulier se fait aller. Et le numéro 6. Olivier Robert. Canadien. Wow. Olivier Roberge, donc, tu auras une semaine pour nous contacter sur Facebook. Puis, sinon, on les prend. Sinon, c'est moi qui vais. Quelqu'un d'autre. Je dis pas que le premier coup que j'ai tiré, c'est moi qui ai sorti, mais en tout cas. T'as-tu checké si c'est pas un scalper, ce gars-là? Je sais pas, rendu là, c'est hors de mon contrôle. Faut que tu checkes si c'est un scalper, man. Mais bravo, Olivier Roberge. Ouais, tu Olivier peux réclamer ton prix ou pas le réclamer. Ou on va donner à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire. Ouais, viens pas te dire que t'es un fan des Bruins, mon esti. Ou des Sénateurs. C'est qui la game? Les Sénateurs. C'est contre les Red Wings de Détroit. D'ailleurs, on l'aura tantôt, les Red Wings en place. Ça va être tout. On salue petit. Notre fan des Sénateurs qui prédit les victoires des Canadiens en 6. Ils sont drôles, ces gens-là, qui viennent poster après que le match est passé. Ouais. C'est original, bravo. Non, mais là, allons-y, après 4 games, les positions chaleureux. Du pool. Dive! Oui, Dive! Alors, dans le pool. On est 85 d'ailleurs cette année. Ouais, 85, en fait, c'est un record. 85, mais 83, il y a deux petits coquins qui sont inscrits deux fois. Ils ont voulu avoir deux chances de gagner. Ça n'a pas passé, j'ai flagué tout de suite. Ah, ils ont été une fois dans le concours, pareil. J'ai enlevé le nom. Comment vous avez su? Alex. Il y avait deux fois le même nom. Ah, moi, je les ai pas deux fois de même. Hey! Prenez vos ta blonde, ce type. Alex, c'est un fin limier. On le double pénètre. Bon, non. No double pénétration. Pas de limier. Alex, il n'y a pas de l'air de ski, mais Calis, il est allumé en esti au corps d'auto. Là-dessus. Oui, on a Antoine. Ouais, j'aurais rien à dire. Pour surveiller un pôle, il est fiable en tabarnak. Sur Twitch, d'ailleurs, on est sur on Twitch. On lui a donné une job, puis Chris, il l'a fait. On est sur Twitch et Facebook Live, puis il y a Antoine Sti qui dit au moins c'est pas Matt Lamar qui a gagné. Et on est tous très d'accord avec ça. Faisons que les positions du pool, Dave. Alors, en cinquième position, et là, je répète qu'on est en début de pool. Ouais, ça bouge. Ça change. C'est très changeant. Il y a 4 matchs. Il y a genre 5 games de jouer. J'étais 6e hier. Ouais, rendu 200e. J'étais 30e, là, une game, je suis rendu, en tout cas. Cinquième position, Alexandre Caron. Quatrième position, Charles Légaré. Un collègue, félicitations. Troisième position, Yves Isabelle. C'est arrangé ce pool-là. Yves Isabelle. Deuxième position, Adrien Lambert. Je m'en ai dit Adrien. Adrien. C'est une faute de copier-coller. Peut-être. Et le premier c'est Martre, notre collègue. C'est toujours en boisson. Félicitations pour tes 4 games, number one. Ouais, bravo pour tes 4 games. Pendant que ça passe aussi, c'est la première fois que je monte pour first, je pense. Ouais, d'habitude, t'es comme des 70. Je crois. Puis nous autres, pour ce qui est à part Martre qui est pas mis, pour le reste de l'équipe du podcast, bon, Jeff Cromp, 7e. Oh yeah. Moi, 15e, j'ai remonté en tabarnak, mais. Ouais, très tôt. Alex 21, Alex Chrome 26, Mallette 33 et le dernier, the wall of shame. Le wall of shame de cette semaine, c'est Yann Dupuis. Yann Dupuis. Ouais, ma Mallette pendant un bout était en 5. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu l'as dit, c'est là, je me rappelle pas que tu l'avais. Je l'ai faite. Je t'équipe. Je vais en faire. On le live, on l'a sur le soundboard aussi. Voilà, fait que. Ouais, je prends la feuille parce que c'est la troisième. Finalement, Alex, t'es pas bon juste à une affaire. Je suis tabarnak, man. T'es fucking efficace. Oui. Veux-tu une bière? Oui. Une bière. Une bière. Dans son alfrigo. Alex, c'est comme deuxième SN production. Tu veux pas un petit tonic ici? Tu connais un petit soda? Donne-moi un petit jack. Une petite serviette chaude. Mettre dans mon cou. On pourrait se faire ranger à l'âme. Je vais te le faire. J'ai des voisins. Un sac magique. J'aimerais bien que tu me mettes une serviette chaude dans le cou. Bon, alors. Vas-y. Sur ce, on va commencer la première période. Oui. Ah, ce buzzer strident. Bon, résumé des... Commencer avec une bière. Quatre matchs qu'on a eu en fait, depuis le début. Donc, premier match de la saison, Montréal contre la Caroline, une défaite de 4-3 en fusillade. Pas grand-chose à dire. C'est une bonne game. C'est une bonne game. C'est une game intense. Ouais, c'est une game-là. C'était pas bon. Ah, c'est bon, tout le monde était comme impressionné. Oh, qu'est-ce que wow, tu dis, c'était lymphatique? C'est une game de série. C'était lymphatique. Non, c'était lymphatique. Je sais, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, sympathique? Non, ça patinait. Ah, oh, ça patinait. C'était sympathique, c'était lymphatique, ça patinait. La main d'un journaux, c'est hey, c'était une game des séries. Ouais, mais il y a tout le temps une énergie de début de saison. Mais pas vrai, c'était une bonne game. Ben non, mais surtout que... C'est des bonnes games contre la Caroline, Chris. On va souligner. Là, ça va être notre compétiteur. Parce qu'on a eu des hosties d'années de vachement. Quand Bouchonnier, on regardait ces games-là, c'est une game que tu ne checkais pas en temps normal. Caroline-Montréal, tu ne checkais pas ça. Non, mais. En mode depuis qu'il était bon. Oui, oui. Là, elle était bonne. Mais tu sais, Caroline, ça vient avec un bon club. Il y a Matt Betts qui dit ça patine sur Weber, on se calme. On en parle tant. J'espère les games que tu veux pas voir, c'est les games contre les Red Wings. New Jersey. Bravo, New Jersey. New Jersey, j'ai vraiment de la misère. J'écoute la game. Sash avec un C, esti. Ça patine, ouais. Ça patine, hey, la prof. On se calme. Deuxième partie, Montréal contre Toronto, une victoire de 6-5 en fusillade, une remontée spectaculaire en troisième période. Quel style de ça, c'était cool. Ça c'était cool. On perdait 4-1 pour la première. Est-ce que ce sera cool. le... C'est rien à dire, GF? Ben justement, à la fin de la game, tu sais, quand c'était 5-4 pour nous autres. Il y a du poids de jeu sur moi. Tu fais ton will, là, tu m'énerves. C'est ça, à la fin de la game, c'était 5-4. Moi, je ne sais pas un mot, il restait une minute 30. Ma mère a dit bah, mais on a gagné. J'ai dit Chris, comme donc ta gueule, calice. Ben, je me suis senti mal, puis il est Mathieu au score. T'as dit ça à ta mère? Puis là, depuis l'héritage. Tabarnak, tu penses à faire 5-5. Ferme ta gueule, calice. Alors, j'étais dedans. Tu sais, tu jinxes pas la game de même, comme quelqu'un, comme toi. Des fois, c'est juste comme. Moi, à 3. Tu sais, à 2-0, je suis comme bon, Price, un blush sage. À moitié de la première période. Ah ouais, non. Le seul calé. Faut pas jinxer ça, mais comme de fait. Il y a dit en espagnol, notamment. Il y avait quoi, 40 millions, esti, en fusillade. Puis 40 millions dans le sandbell. Price, l'année passée, c'était drôle, ça, parce que c'était la première fusillade. Ouais, c'est vrai. Price, l'année passée, il a pas joué une fois en fusillade. Je savais pas ça. Il y a aucune donnée. Je suis comme, what? C'est ça. What? Non, il y a pas. L'année passée, Price, il a pas joué une fusillade. Mais, esti, as-tu été dominant? Il était arrêté à la poche, il était calé. Il arrêtait à la poche, il le regardait genre dans les yeux. Dans ce game-là, il était seul. Puis ce qui est surprenant aussi, c'est que... Ils ont été en tir de barrage aussi, puis... Price, il n'y a pas... Contre Toronto, il a été arrogant. C'était parfait. Mais il n'y a pas une mauvaise game, Price, là, en fait. Il n'y a pas laissé passer. Il n'y a pas de shot, il y a pas de shot. Il y a des bons goals. Ah, Chris Faze, ils font tirer dessus à tabac. Ils ont donné 120. 40 shots dans la moyenne à date. C'est ça, c'est dégueulasse. Moi, c'est un team qui lâche pas. C'est 160. Moi, l'affaire. Avec notre défensive poreuse. Il y en a reçu. Mais moi, l'affaire qui me fait capoter, c'est que le team cette année, il me semble l'année passée, j'ai l'impression qu'on avait des frites McDonald's souvent parce qu'on comptait le premier. On n'a pas eu cette année. Cette année, man, on tire tout le temps de l'arrière. Il va falloir. Contre Toronto, on a compté. Ouais, mais je peux aller chercher. Oui, c'est vrai. On est l'équipe qui fait les comebacks là, cette année. On est le comeback kid. On a trois défaites. En prolongation. On a trois défaites. Ouais, c'est ça. On fait des comebacks, mais ça, tu sais, on revient, mais on perd. On fait un point. On prend jamais l'avance. Saison, à date, on n'a pas pris l'avance. C'est aussi dans le match contre Toronto qu'il y a eu l'incident avec Kapanen qui a garoché son bâton Jeff Petrie qui en fait menait à la remontée. Il y a tellement d'éléments dans cette affaire-là qui sont incroyables. D'un, garoche ton bâton, j'ai jamais vu ça à part d'un novice, je pense. Je pense que ça a vu une fois l'année passée dans tous les matchs. La dernière game, Riley, il l'a fait. Il a pitché son bâton. Il était chanceux pour un pénalité. Il l'a pitché plus pour s'en débarrasser. Tandis que Kapanen, il l'a vraiment lancé comme son objectif, c'était d'enlever la rondelle. Il a voulu faire un poke check avec son bonion. Comme un breakaway, puis tu pitches ton bâton. Épais de même. Puis lui, il a réussi à se carrer. Puis après ça, la série sur le Sunday, c'est Domi. Le fameux meme de Domi. Domi qui est moment de Patriot National. Ouais, mais eux autres, c'est ça. Il y a un hostie d'historique. Ouais, j'ai mis. Attaboy, Kapanen, you fucking idiot. C'est clair que Kapanen a vécu une histoire de peine dans la douche après. Là, personne qui acceptait ça dans le vestiaire. De peine, ouais. Le peine dans la douche. Tout le monde se souvient du film. Le coach en arrière d'un petit big dans le cou. Ouais, je t'aime quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, tout le club s'est mis à y faire des massages. C'est correct. Ben, mettons que si j'arrête, il devrait pas chercher mon savon. Ils l'ont frappé avec des têtes d'oreiller en savon. Non, en plus, de toute façon, ça a l'air que Matthews prend sa douche avec son costume de bain. Fait que, tu sais. Où est-ce que tu prends à savoir ça? Ça, là, non, je sais pas où est-ce que tu prends ça, mais ça, je trouve ça savoureux, par exemple. J'espère... Est-ce qu'il a baissé ses pantalons devant la... Arrête! Ça, là, ma lettre, là, on dirait que... Je sais pas pourquoi, mais je souhaite que ce soit vrai. Ben moi aussi. C'est trop merveilleux. C'est juste comment t'as découvert cette nouvelle-là. Il lave la poche en dessous de son maillot. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a checké dans la douche. Mais non, je sais qu'il n'y a pas ça. Ça serait pas rendu là. Est-ce que Mathieu enlève sa petite moustache de Mexicain avant de prendre sa douche, par exemple? Il y a des cols, tranquillement. Non, Mathieu, il est dans son placard. Il a l'air d'un petit cochon. Troisième game. Il y a des narines d'un cochon. Il vous laisse la faire, la petite madame, dans son char. La vétérante qui a tué du monde. Troisième game contre Buffalo, défaite de 5-4 en prolongation. Le premier départ de Shakey Kid Kincaid faisait peur un peu. Il a fait un job pareil, sérieusement. Mais à la fin, il se passait pas technique. Par la fin de la game, il a tenu Montréal dans le match. Il a fait des saves. C'est vrai que son but contre un goal, c'était faible. Tu sais, il y a quand même. Mais Chris, c'est Kincaid. Oui, mais. J'ai pas été impressionné. Il est mieux que celui-là qu'on avait l'année passée. Oui. Au début de l'année, non. Au début de l'année, c'est ça. Niemi a crashé dans le milieu de l'année. Kincaid, là, je comprends, il a fait des bons saves à la fin de la game. Mais à chaque fois qu'il y avait un tir, j'étais comme. J'ai pas été impressionné par Kincaid. L'arrêt qu'il a fait de chance que tout le monde dit que c'est un assis d'arrêt. Excuse, mais c'est la chance à mise au jeu. Il a tiré sa pâte. Je donne la chance parce que c'est un bon goaler. Il fait son gros crise de possible. On s'entend, notre deuxième goaler, là, on n'aura jamais de miracle. Ouais, mais il est meilleur qu'Al Montoya. Il est meilleur que Boudaille. Je pense qu'il vaut plus que ce qu'on a vu hier. Oui, absolument. Mais il est vraiment dans nerveux. On va lui donner sa chance. Après une scène de game, on verra. C'est-tu hier que je... Même plus qu'une scène de game, parce que dans son cas, il en goalera pas tant. Ils s'attendent, Price, il veut leur donner 55 games. Bon, fait qu'une vingtaine, c'est ça. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Mais 25. Si c'est dans une course de World Series, il va finir à 62, 65. Excuse-moi. Puis quatrièmement, je me fais hier. C'est sûr. Faut qu'il fasse jouer, Carlis. Non, non, 55, en passant, c'est de 20 à 29. Il n'y a plus de goaler dans la Ligue nationale qui goal 65 games. L'année passée, je pense qu'il était deux. Il y a Price puis un autre gars, je ne me rappelle plus. Ah, c'est fini. Il y a bien des années, il était comme 6. À ce tu vas être avec des duos de gardiens quasiment. C'est fini. Ouais, ça, c'est 50, 30. Les deux goalers en finale de la Coupe, ils ont un goaler en bas de 50. Ouais, il est en bas de 50. Bennington. Puis. Ouais, mais on s'entend-tu que juste les deux finissant en finale de la Coupe, c'était comme. Bon, ça, tu sais, Saint-Louis. Mais Rask. Il voyait colissement pas là. Toutes les chiffres des séries l'année passée sont comme. Awkward, là. Ouais, mais oui, je le sais, mais tu sais, Rask a été blessé, puis là, Alak a eu une bonne séquence. Fait que tu pouvais pas comme l'enlever complètement. Il fallait que tu lui donnes des games. Chris, il était dans sa game. L'année passée, Alak était dans sa game parce que Rask a été blessé. C'était Rask ou Alak? Mais ça fait même des saisons que les goalers, c'est des goalers de séquence, tu sais. Oui, c'est des goalers de séquence. Ils ont un deuxième goaler, gagne une game, mais si, il vole la show. Rask, il l'ont remis. Il leur remet une deuxième game, il vole le show encore, puis là, il va le garder pendant 10 games, il va voler le show pendant 10 games, puis là, ton goaler numéro 1, il ne goal plus, mais ça a l'air d'être ça depuis une couple d'années. Là, finalement, genre, ton goaler numéro 1, mais tu sais, comme Alak avait des playoffs, quand Alak avait des gros sing stop là, quand il a volé le show à Price. Ça, c'était fou, mais il n'y avait aucun crawliste de rapport là. Excuse-moi, j'aimerais ça. Pendant toute l'année. J'essaie d'oublier ce moment-là. Ouais, mais pendant toute l'année. C'est arrivé. Il faut que je m'en trouve un chandail stop. La dernière game, qui est celle d'hier, en fait, défaite de 4-2 contre Détroit. Contact Détroit, puis donne-lui de la bullshit. Ouais. Les hosties. Ouais. T'as pas une bonne game, ça? Avec un mauvais... Le pire match de la saison, Adam. Match inaugural en plus. Mais là. Ça, c'est rendu un standard. À Montréal, match inaugural, les gagnants de Montréal. C'est que c'est nul. Je pense qu'il passe plus de temps à se passer. La présentation, t'es à chier. OK, le flambeau, là, c'est assez. Changer de cassette à un moment donné, hostie, je suis plus capable. Mais non, mais tu peux faire une mention du passé. De la merde. C'est la même hostie d'affaires depuis genre 8 ans. Je pense depuis que Bergevin est là, c'est ça. Mais non, on passe le pas à bout. Ça, c'est le monde du marketing. Depuis que le Centre Bell est inauguré, c'est ça. À chaque année, Chris. T'es sérieux? Je suis plus capable. Ils ont fait du flambeau en fermant le forum. Ils l'ont fait en allumant le Centre Bell. OK, décroche. Moi, je me souviens pas là-dedans. Pendant la série, c'est correct. Moi, je me rappelle quand il le faisait, il allumait. Pendant la série, ça, c'est correct. Ouais, mais pendant l'ouverture, les gens juste un mandat. Ouf, différemment. Faites que, mettons, un Guy Lafleur qui vient se faire opérer ou un vieux. Il vend Cournoyer, qui donne le flambeau à Price. And that's it. Tu vois, chacun des joueurs. Tu te rends compte que dans pas long, des vieux de même, il n'y aura plus. Après ça, tu vas avoir Sakou. Sonne Gomez, donne le flambeau. Non, mais c'est parce que le flambeau, il ne faut pas que tout le monde y touche. Genre, le monde comme Arturi Lekkonen touche pas au flambeau. Sportline, touche. Le fait que les joueurs, là, dans leur face, ça paraissait qu'ils s'en collissaient de le style de cérémonie. C'est long pour rien. C'est ça, c'est à chier. La seule affaire que je leur donne, c'est qu'ils ont dépensé plus d'argent que les sénateurs. Je pense que les sénateurs ont payé 100$ pour les cérémonies. Il y avait 9000 personnes. Fais-moi une belle entrée. Là, avec bonne affaire. Bonne affaire. Le logo du Canadien. Une entrée que j'ai aimée. Je le sais pas. Le petit cœur des seigneurs du Laval, là, c'était bon. Selon Madison Square Garden, c'était bien. Il y avait des caméras en avant quand les gars sortaient. Puis il y avait le câble direct en face de l'entrée. Fait que t'as un petit russe qui est passé. Puis qui s'est pété le menton. Ça, c'était écœurant. J'aurais même mis des micros sur le chandail. Là, t'aurais un show. Non, mais tant qu'à ça, là, faites juste comme un hostie d'entrée comme avec au pays des joueurs qui arrivent comme avec un enfant comme au soccer, je sais pas. Faites quoi, tu sais, avec des enfants de retard, c'est Justine, Callie. Juste l'année passée. Juste une vidéo, puis après ça, les joueurs embarquent sur la glace. Ouais, mais ça serait-tu vraiment mieux? Ben, ça serait comme plus symbolique. Un peu genre comme on vit dans le passé. Tu sais, si tu veux faire une surprise, c'est sûr qu'on vit dans le passé. Notre club, c'est de la marde depuis 10 ans. Non, mais là, il y a 50 ans. Depuis 20 ans. On parle de Maurice. Les dernières 20 quelques années, on a eu des. Ouais, mais il y a eu Mané dans les 15 dernières années. On a eu des présences en finale de conférence. Puis, tu sais. On a eu quelques bons moments. Le passé, c'est la seule affaire qui nous tient. On aime le Canadien à cause de l'époque, de tout, là. De Rocket, de la France. La période a commencé. De boum-boum, de tout. Mais Chris, c'est ça qui nous tient. C'est comme les Canadiens. Ils n'ont pas le choix. Les Canadiens, c'est plus un... Ils n'ont pas le choix. C'est triste, mais ils n'ont pas le choix. Les Canadiens, c'est plus un livre d'histoire que d'un club qui mise actuellement sur leur power. Nos 24 coupes, là. Mais ben non, mais ça, tu touches. On a investi ben ça. Personne avec ça. Mais là, le flambeau, ça veut juste dire ça, les 24 coups. Des années à 6 clubs. Là. Fait que oui, faisant un petit peu, hey, on a gagné 24 coups, mais voici l'image du futur. Les saisons de 30. Fallait, ouais, mais, okay, mais si tu veux faire ça, passe pas le flambeau à tous les joueurs. Ben c'est ça, je dis. Donne-le au capitaine. Parce qu'il faut présenter les joueurs. Eh ben, vas-y. Ben, ils peuvent présenter les joueurs un après l'autre. Mais c'est-tu nécessaire? Ben ça, toutes les équipes quasiment le font. Ben ouais, mais c'est ça, mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, moi, mettons, tu arrives là, puis elle présente les joueurs. T'es si, qui les hosties de joueurs? La seule raison. Ben non, je suis pas d'accord parce que, tu sais, il y a quand même, écoute, il y a bien du monde. Je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui écoutait la première game à Montréal hier. C'est qui, lui, c'est qui? Ah, OK, c'est lui, numéro 14. OK, c'est un Chinois. Mais oui, hostie, wake up. Un Chinois qui a pas l'air Chinois. La seule affaire qui me manque dans les présentations, c'est. Ah, parce que c'est Plekanec. Plekanec est revenu. Plekanec est bridé. Mon plus grand rêve. Il porte pas le col. La seule affaire qui me manque, c'est que, mettons, tu sais, comme Brian Gionta qui présentait les joueurs puis il parlait français, tu sais, il avait l'air d'un muet. On comprenait rien, tabarnak. C'était drôle en crise. Mais là, c'est comme rendu. Non, gars. Je pense que le français, là, l'organisation des Canadiens, le français, ils ont abandonné ça. Ouais, puis le flambeau, là. Et sa bonne réponse est on s'en calme. Hey, voilà. La période avance. Hey, sérieusement, tu veux faire un esti de surprise dans la foule, là? Passe le flambeau dans la foule. Mec, une vraie flamme. Là, le monde, ils vont capoter. Non, tu sais, les astis de lanterne cheap en papier, que c'est une dalle dans le fond qui fait ça de même. Des restos, pas petit brûle. Ouais. On off, le petit switch, on dessous. Ah, c'est ça. Ouais, fait que tout le monde se passe ça, puis ah, si. Non, c'est pas Jeff veut dire de quoi. On va faire nos plus et nos moins parce que le temps avance. Mais Mark, il y avait 9 parce qu'il reste une minute. Ben oui, il reste 6 minutes pour faire les bêtises. Ouais, on va passer la première période. Qui veut commencer avec son plus? Dans quel sens on va? Moi, je vais commencer avec mon plus. Vas-y avec Mark et ton plus. Carey Price. Bah. All right. Fine. Pas original. Ben, j'ai. On mérite quand même. Hey, j'ai une idée. On fait quoi de nouveau cette année? Parce que sinon, ça va être long. En même temps, on dit 1, 2, 3 go, puis on dit tout notre plus. Qui c'est donc Carey Price? Là? C'est correct. On fait-tu genre un tour de temps, on dit tout nos plus, puis on discute après? On peut. Ok, ouais, moi je vais dire Jonathan Drouin. Ah, ben c'est mon plus aussi. Ben voilà. Moi aussi. Ah, là, c'est ton prince. Toi, Malette, on le savait. Quand tu bandes, c'est marqué Drouin en dessous. Non, toi, c'est ton plus. Même quand, quand on s'obstine à dire que ça allait calissement mal pour lui, toi, c'est Drouin. Mais c'est le prince. J'ai appris des choses sur Jonathan. Oh fuck, on veut pas savoir. Il s'est fait opérer au nez et qu'il respire mieux. Parle-nous de son coiffeur. On l'a tout vu, ça. Mais, c'est pas t'es naïf. Ouais, je l'ai pas vu. Moi, c'était Drouin, oui. Mais juste pour être original. Je vais dire Weber pour une raison que vous. Arrête, là! Attends, la game de baseball. Exactement. Ah, oh, ok. Bill Masters. C'est quoi qu'il y a eu? C'est Bill Masters. Ben, mais on en reparlera. Non, il y a eu le Jean Béliveau. Jean Béliveau. Ouais, on en reparlera. On en parlera. C'est pourquoi? Mais c'est pour des d'accord. Moi, c'est qui ton plus, mon GM? Moi, je l'aurais donné à tout le team au complet pour les remontées spectaculaires de début de saison. Tabarnak. T'es pas. Là. Ouais, Buffalo puis hier, c'était l'organisation du Canadien. Je vais donner le plus à l'ambiance du club. L'ambiance sans les gars n'ont pas l'air d'être en tabarnak contre Pacioretty cette année. Ben, okay, ça, c'est Weber, c'est mon plus. Depuis deux ans. Ça. Ah, ouais, ben cette année, ça a l'air d'être une partie d'une chose. Techniquement, ça fait un an. Pas donné à Domi aussi pour son fucky Kapanen. Ben, il y a Yoel Armia qu'on pourrait donner le plus parce qu'il a compté quand même 3 buts en plus. Oui, oui, oui. C'est comme le héros obscur. Je l'ai. Non, c'est pas vrai. Ouais, non, c'est pas vrai. C'est le héros obscur. Non, bref, faut y donner. Non, il m'épate. Il t'épate. T'es cœur, hein? Mais il y a plusieurs moins. Ben, puis Michel, que le calice. Mais j'aimerais dire, par exemple, à Drouin, à date, depuis le début de la saison. Merde. C'est pour ça que je donne mon plus, parce que c'est le gars qui s'est plus amélioré. Mais là, je pense qu'il travaille. L'étoile peste à feu. Match préparatoire, là, il est arrivé avec la même attitude l'année passée. Quand on est passé aux choses sérieuses, on dirait qu'il a tout enlevé ça de sa tête. Il est arrivé avec la même attitude. Ouais, ben, il était sur le troisième trio, puis il était en crise. Tu ne peux pas dire qu'il a connu un bon camp préparatoire. Il n'est pas bon. Il a été ordinaire, OK? Mais c'est pas grave, c'est un camp d'entraînement. Puis je le voyais revenir au banc, puis j'avais l'impression qu'il était encore babouneux, là, comme la saison passée. Ouais, il était un petit peu boubou. Puis là, il y a eu la style d'altercation avec que j'ai trouvé complètement ridicule, parce que, tu sais, les journalistes, à un moment donné, lâchaient-les aussi. Ouais. Là, ça, c'était... Même Julien, il l'a défendu. Puis, ben, un moment donné, là, les journalistes, là, tu sais... Puis en plus, là, tu sais, il a chialé sur les journalistes francophones, puis même les journalistes anglophones, ils ont dit que ça se faisait pas. Puis même eux autres, ils ont poussé sur, genre... Ils ont dardé sur Drouin. Hey, lâchez les dents, tabarnak. peut-être que si vous vous aidez pas là, en tout cas, ça c'est. Je pense qu'on a c'est des équipes de Benjamin. Tout ça, tout ça. Non, mais c'est parce que ça me charge, ça me charge. On va avoir le. Mais tout ça pour dire que, tout ça pour dire que Asti, je l'aime. Là, je l'aime. Il peine un bon début de saison, puis. S'il continue à travailler de même, ben, Chris, il va aller chercher bien de la pluie du public. Il y a juste JC Lajoie qui est un mandement. Comme on dit dans le chat en ce moment, JC Lajoie qui bâche dessus, puis il est comme belle remontée pour un team qui ne fera pas les séries. Ta gueule, là, si, ils ont joué deux games. JC, c'est un cave. Hey, c'est là, ouais, mais c'est un fan des Nordiques. Ah, mais c'est de la j'étais un fan des Nordiques, moi, mais j'ai pensé à une chose qui n'existe plus, si. Allons-y avec nos moins d'abord. Tout le monde en même temps. Je vais revenir. Ton Weber. OK, il a fait des belles séries. Qu'est-ce que t'as à dire sur Weber? Ah, mais c'est l'héros obscur. Chris, il s'en revire. Il s'en revire sur un genre. Chris, je te dirais, genre. Chris, une tarte bleue de 40 pieds. Ouais, c'est ça. Il s'en revire sur une piscine creusée. Un 100 euros, là. C'est ça. Tu sais, le gros sel des mises au jeu, c'est là-dessus qu'il retourne. Non, mais c'est pas sur ses qualités. Moi, mon plus, c'est pas sur ce qu'il s'en revire. De toute façon, tu t'attends pas à ça avec Weber. Mais ce gars-là, il a callé une game de baseball à Candiac, est-ce que il est arrivé avec tous les joueurs. Tout il a c'est fait ça qui t'allume, dans le fond. Hey man, c'était écœurant, ça, parce c'est un leader. Parce qu'il était à Candiac. Jonathan Drouin, il a payé des billets il avant fait des petits. Il a fait un barbecue avec les gars après. Ça rassemble les gars. Ben voilà, ça, dans la chambre, il n'y a pas Drouin, de petites chicanes, de petites tapettes. Ben, Drouin, il a payé des billets à Suzuki et ses amis. Ça, c'est l'ambiance que je parlais. Ouais, hein? T'as dit? Ouais. Tu vois? Si, il est allumé en ce moment. C'est qui ton moins? Ben non, mais on a-tu fini, là? Oh, ouais, pas grave. J'ai dit ce que j'avais dit. Toi, tu quoi à dire sur ton joueur que t'as non, dit? Non, ouais. Ah, lui, c'est pas joueur, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Ouais, c'est ça va être long tabarnak si on fait le tour. Fait que c'est 23 commentaires. Donne-nous ton moins, ça va être le gars de la Zamboni, j'imagine, vu que t'as donné ton plus. Ah, parce que la glace, c'était pas bonne. Je vais donner mon moins à tout notre tateur. Place-toi, calice. Qu'est-ce que je suis d'accord là-dessus, man? Les pénalités de d'insuline. Pénalités de merde! Hey, l'année passée, il était super gros discipliné. Ouais, mais là, t'as peur. Puis là, t'es pas en retard, ça passe. Si, qui est en retard, tu dis, mais. T'es en retard, ça passe. J'en veux pas des pénalités de même. Si, mais il est en retard, ça passe. Si la tendance se maintient, il va y avoir 219 minutes de pénalité. Ouais, ça va pas c'est arriver. Chose, non, là. Ça sera pas. Mais ça va se replacer. On est en début de saison. Honnêtement, là, en ce moment, on chiale vraiment pour chialer. Ben, les chances. Bon, ben, je suis d'accord, par exemple. Non, oui, oui. Il y a la centième, on va chialer si on veut chialer. Mais si, c'est des deux minutes en zone offensive. Et voilà! C'est ça le premier gros! Ouais, mais Dano, il a pogné un deux minutes de marde et tout. Puis tu sais, ah, non. Il, ça, c'était pas une pénalité. L'arbitre, là. Ça, c'était à la fin de la troisième? Ouais, c'était pas une pénalité. Le ça, tabarnak. À 30 secondes de la fin de la game, tu mets pas une pénalité pour ça. C'est le coup de coude? Non, c'était le Hawking, c'est les mains. C'est dégueulasse. C'est tout hier, le coup de coude, quand il rentre dans son coude. Ouais, c'est ça. Mais pas rien que ça. En plus, deux fois les mauvais changements de ligne. Non. Sept joueurs, ça a patinoire à un moment donné. Regarde, les mauvaises pénalités, sérieusement, c'est plus c'est comme le lot des Canadiens. Mais ça, c'est le début de la saison. Pour finir nos moins, parce qu'on n'a pas fini nos moins. Il y a juste lui qui a dit ton moins, toi. Moi, j'ai pas fait mon moins, mais moi, mon moins, je vais le donner juste comme à. Ben, si, je peux pas donner aux attaquants avec ça, parce que ça va bien. Je peux pas le donner parce que les moins, j'ai donné un rookie à défensive. D'abord, ça, tu donnes. Moi, je vais le donner à défensive généralement. Kulak? Moi, je vais le donner à Shea Weber, mon moins. Non, c'est trop sérieux? What the fuck? Ah, mais c'est un leader. Sérieux? Il y a pire en défense. Il est invisible. Ah, mais il y a pire en défense. Pas grave, lui, je m'attends. Non, mais c'est sûr que Chariot, puis ça, là. Chariot, défenseur. Kulak, oui, il a joué deux games. Un défenseur qui est invisible, c'est un défenseur qui fait complètement bien sa job. Non, je m'attends beaucoup plus de lui. Il frappe pas, man. Il reste sur Tabarail. Il y a combien de shots? Il en a fait plein d'autres, tu vois pas. Ah, le hit sur Tabarail, c'était violent. Hier, il a fait un bon check. Il y a un gars qui se lève et dit hey, comment avec Chantal Van Riemsdyk, je riais. Hier, il a fait un bon check. Ça mérite pas un moins. Il faudrait, il fait pas des bonnes passes. La seule gars que tu vois son duo là, qui va puis patine. Non, mais c'est quand même le gars. C'est Mété, man. Ah ouais, mais c'est ça. Mété, j'ai le droit à mon opinion. Mété, il est pas solide non plus. Mété, il struggle un peu. Il est plus solide que Weber. Non, tabarnak, il est pas plus. Mété, il struggle. Je te parle de 4 games, il est plus solide que Weber. Ah ouais, Mété, tu le vois-tu sur le powerplay par exemple? C'est pas ça. Dis que Mété, Weber. Il a-tu scoré sur le powerplay? Qu'est-ce qu'il a fait sur le powerplay? Ouais. Télégraphier des tirs. Il est juste là. C'est comme il est là. T'étais-tu en crise sur l'overtime contre Toronto? Ils ont tiré comme 4 fois pour qu'il ait son centième but. Là. Hey, imagine qu'il y a Hutchinson. C'est clair que c'est serré l'anus en esti. Chris Weber, il a fait 4 shots back-to-back. Juste pour qu'il ait son centième but. Ouais, mais non, c'est pas vrai ça. Mais Chris, voyons donc. Le but, c'est gagnant en game. C'était tellement vu, mon gars. Tiens, fais ton centième but. Non, mais c'est parce que. Le powerplay est meilleur. meilleur quand ils mettent droit. Non, je parle avant prolongation. Le powerplay est meilleur quand ils mettent droit en arrière. Qui peut prendre un shot parce que sinon tout le monde va venir Weber. Tout le monde sait que les Canadiens ils vont essayer de remettre le puck à Weber. Puis ils font comme un genre de diamond dégueulasse. Ah, mais ça, tu... Puis c'est fuck off. Mais ça, ça ben, fait... vous parlez de la fois qu'ils shotaient, puis qu'ils shotaient, puis ça n'arrêtait pas. Là, c'était Chris et Goaler, il a le temps de se placer. 100 000 à l'heure, il voit la puck. Ils font un diamond, man. Le goaler, il a même pas vu voiler. Il a fuck all. Il voit Weber craquer. Il fait comme ça. L'arrête. Fait que, regarde, c'est mon moins. Bon, ben c'est bon. Vas-y que ton moins, Dave. Moi, mon moins, c'est. Je le donne. C'est un. Global, là, c'est à nos débuts de match. Oui. Parce que si je t'écœurais, je veux pas connaître une saison qu'on va tirer. C'est beau la combativité. Peux-tu finir une phrase? Autant j'aime le début de la combativité. Ben, ferme ta gueule, puis je vais la finir, ma phrase, là, si. Autant j'aime la combativité qu'on démontre, autant genre commencer de même, que j'aime pas ça. Ben, contre Buffalo, on a sorti fort en tabarnak. Quoi? Contre Buffalo, on a vraiment sorti fort. Puis après ça, c'est on a une couple de minutes de début. Ouais, comme puis après ça, ça. Jusqu'à la première pause, vraiment. Genre, puis après ça, ça drop. Puis après ça, on revient en milieu de deuxième, vraiment comme des malades. Puis là, genre, tac, mais on a des trios qui travaillent fort. Tu sais, quand tu checkes Dano, le trio de Dano, puis tu checkes le trio avec Domi. Travaille fort, puis travaille mal. Même la série Kakanemi, tous les trios travaillent pas pire. Il y a ce trio-là, le quatrième trio comme Buffalo, t'es bon. Au moins, Kolka, il a débloqué ça à date. Cette année, il scorera plus à Montréal. Ouais, il va scorer juste en dehors de Rome. Vas-y, au moins, JF. Moi, je voyais avec Nick Suzuki. C'est pas un mauvais choix, mais tu sais. Ça va vite pour lui. En même temps, quand tu joues avec Will et Thompson. Mais je veux donner du temps. Non, il jouait avec Lekkonen et Domi en début de game. Oui, mais il a joué beaucoup avec Will et Thompson aussi. Quand il était sur le quatrième trio, il faisait une présence puis il jouait pas. Après, c'est remonté sa deuxième. JF Camp, toi, il a 18 ans, le kid. Hey, je vais t'expliquer une chose, OK, monsieur le professeur. C'est que présentement, ça allait bien pendant le camp d'entraînement. Il a impressionné tout le monde. Il m'a impressionné, moi, puis sûrement tous vous autres. Oui, mais je veux qu'on décule aussi. Sauf que là. Dernier game de il y a eu son meilleur match, ça a été le dernier des préparatoires contre Ottawa. Puis c'était ouais, mais c'était des équipes, ouais, effectivement. Ottawa c'est un club A, c'est leur club F de Toronto. La première game contre la Caroline, c'était correct, j'étais content, mais contre Toronto à dernière il n'y a pas les réflexes de la NHL. Non, mais c'est ça, il prend pas des décisions rapidement, il perd la rondelle, puis son exécution n'est pas aussi rapide. Jeff, je suis d'accord, sur 4 games, je suis d'accord avec ton choix. Mais c'est tôt. Mais c'est tôt pour tout, mais oui. Moi, je ne serais pas surpris. Il n'y a même pas de poule. Il retourne à Laval pour se replacer. Puis qu'on passe à autre chose. Moi, c'est ça, je pense aussi. Pas, ça tourne pas sur le grain. Je serais pas surpris qu'il retourne à Laval. Moi, je pense qu'ils vont monter PSG. Je pense pas que ça va être une mauvaise chose. Ils vont péter sa confiance. Mais non, ils vont monter PSG. Ça arrive tout le temps. Donne-y 20 games. Non, c'est-tu lui qui reste là, qui joue pas, puis que sa confiance baisse parce qu'il perd la rondelle? Si je suis pas d'accord, t'es peut-être mieux de l'envoyer à Laval. Oui, il faut avoir des jeux avec des pros. Donne-lui son temps au moins de se replacer. Les gars, depuis 4 games, Claude Julien a vraiment bien balancé le trio. Les joueurs changent de place. Il ne joue même pas au centre. Ah, tu peux pas dire qu'il ne jouera pas parce qu'il s'inquiète. Il ne joue même pas à sa position. Il va peut-être monter sa deuxième. À la fin de la game. Ah, c'est sûr qu'il brasse sa soupe. Mais donnez-y 20 games. Si tu es en fin de game et tu perds par un but, Suzuki, tu ne le vois plus sur la glace. Donnez-y 20 games. C'est ça parce que Julien n'aura pas la patience de le coacher. C'est bien correct ça, mais juste donnez-y 20 games. Si on perd encore, mettons, 2 matchs sur 3 dans les prochains 20 games, Chris, oublie ça. Il va être sur la galerie. Les gars, l'année passée, c'était une essai de saison fuckée qu'on était supposé justement perdre 2 games sur 3. Cette année, là, c'est là que ça arrive. Ben, on est supposé de progresser cette année puis continuer à se battre pour non, une place je pense en pas qu'on a non, progressé non, non, cette année. Non, non, on développe nos jeunes pour progresser. On n'est pas supposé progresser non plus. L'année passée, là, c'est flou. Cette année, là, ce qu'on veut, là... Non, cette année, ce que tu veux, là, c'est être capable de faire la même saison que l'année passée. Au minimum. Ben, la même saison de l'année passée, dans le fond, on se passe. Donc, avoir un mauvais choix de repêchage. Elle est miraculeuse, notre saison de l'année passée. Pas faire des séries. C'est pas normal. L'année passée, on était supposé finir dans la cave. Ouais. On a finalement, on s'est battu pour un spot de série. Cette année, on est supposé finir dans la cave. On est supposé de se battre pour une place en série. Non, je pense pas qu'on est supposé finir dans la cave ben oui. cette année. Excuse-moi, mais on est mieux placé que Détroit, qu'Ottawa aussi. Là. Excuse-moi. Deux équipes. J'aime tellement quand tu dis Ottawa. Ottawa. Ben, donne-moi une autre équipe. Fait que quoi, on finit 14e? Ben, tu peux avoir des surprises dans le fond. Là. Mettons, je regarde les Penguins de Pittsburgh. Là. Tu sais, t'as Crosby, t'as Malkin qui est parti, t'as un autre Chris de sans dessin qui est parti parce qu'il est blessé, puis t'as donné perdu un autre. Galchenyuk, ça fera peut-être pas une série. Non, non, Galchenyuk, t'es encore dans l'alignement, c'est juste qu'il fait pas de points. Il nous reste un mois. Non, il est blessé. Écoute, honnêtement, présentement, là, les Pittsburgh, là, les Pingouins, ils ont Les Pingouins. Ça pourrait leur faire mal. Ils ont une ligne présentement, puis c'est la ligne à Crosby avec Gunzel. Columbus, c'est un autre club que je prenais. Je sais pas qui. Dernier moins, Alexandre. Où déjà, les gars? Ça va être simple, là, c'est Will, parce que... Will! Come on, Chris. Chris, c'est un nos meilleurs, man. Ta gueule! Il gagne ses batailles à un contre un. Non, super bon, super play, man. Non, non, non, ta gueule, man. Will, il suck. Ah! Gars, c'est bon, Je m'attends pas à... Quoi? Je m'attends pas à... T'exagères. OK, peut-être pas suck. Dave, ta gueule. Je m'attends pas. C'est ça au moins. Je te défends. Va non. Fuck you. T'as pas raison. Il a même pas donné son argument. C'est plus parce que tu me coupes la parole. Va te piquer mon calice. C'est plus Will. Tu sais, on s'attend pas à grand chose, mais quand même, là, t'es à moins 3 après 4 games. C'est ordinaire. Ça fera. C'est juste pour ça. Mais personne n'a parlé de l'écho. L'écho, c'est l'écho. L'écho, il est juste invisible. C'est mon préféré. Mais les l'écho, il est steady. Il est juste invisible. L'écho, il est sans homme, il est planté en tabac. Il n'y a pas de cœur, ce gars-là. Les attentes sont pas bien. Mais il en avait, mais c'est parce qu'il joue la mauvaise chaise. Il joue sur le deuxième trio. Calisse. C'est ça. Puis Byron, man, il est. Byron et tout à date cette année. Non, mais il est ça à 4. Mais oui, je le sais, mais ça bouge tellement. Partiel. Notre quatrième ligne, elle fonctionne. Il monte ça à deux vite. Tout ça en quatre games, les boys. C'est qu'on a des affaires à chialer en quatre games. C'est là-dessus que d'ailleurs, on va finir la période et puis on va faire une petite pause, une petite entrée quand on vous revient deuxième avec les émissions. T'as pas dit ton point, toi? Moi, j'ai donné au premier. Moi, j'ai donné à Tatar. Ça rappelle mes points. Les Conoun. Fait qu'on va faire une pause, on vous revient. On est de retour pour la deuxième période. Et voilà. Wow. Et deuxième période comme à l'habitude, la période boisson qu'on appelle. La période qu'on peut boire. La période préférée. On écoute des extraits. Ça va pas bien, j'ai bu deux bières en première, on va bien boire quatre, hostie. On écoute des extraits ce soir game. De Marc Bergevin. Pas bien aller, hostie. Les extraits sont tirés de Bergevin, qui était de passage à l'antichambre cette semaine. La semaine passée, je pense. Je veux pas. Ah ouais, ouais, c'est plus, ça, c'est en début de semaine, avant que la saison commence. Là. J'écoute pas des. Je suis crissement pas follower des Canadiens tant que j'ai ça. Mais c'est pour ça qu'on est ici, pour faire entendre des extraits de français impeccables de Marc Bergevin. Et on a 8 et on va partir ça directement avec. 8? Oui, ils ont demandé à Marc concernant la maturité de Nick Suzuki. C'est là qu'on boit et qu'on vote. Oui, c'était une surprise, une belle surprise pour nous. Nick, on avait de l'espoir, mais encore là, on voulait se baser sur son camp d'entraînement. Puis depuis la première journée du camp d'entraînement, il a continué à progresser. Puis il a mérité le poste avec le Canadien aujourd'hui. Moi, une des questions que j'avais posées au tournoi de golf, est-ce qu'il y a de la place dans l'équipe pour... C'est qui ça? Tu sais, Kotkaniemi, Paley, Suzuki, 20 ans, 19 ans. Tu avais dit oui à ce moment-là, mais je sentais une petite retenue. La façon dont Suzuki a joué, est-ce que tu considères que c'est comme un joueur de 20 ans quand même? Ouais. La façon de ce qu'il a apporté. C'est un bon point. Ouais. La façon qu'il a performé jusqu'à date, il n'y a pas de l'air d'une recrue. Ouais. Alors, mais on comme j'ai confirmé un matin avec Nick, les 20-25 prochains matchs vont être différents que les 20 entraînements. Alors, il faut que toi aussi, tu t'améliores. Puis c'est pour ça qu'on va le regarder de près. Puis si on voit qu'il y a un peu de difficulté, on va se réajuster. Ben, c'est là qu'on est, je pense. Ouais, il dit 20-25 matchs, il l'a dit lui-même. On dirait qu'il parlait à la fin, il parlait comme Mike Tyson. Hey, Thummer. Mais là, tu vois, ce matin, il y a eu une rencontre avec Claude puis Nick. Fait qu'on va voir comment ça va se passer. C'est pas hier, ça, qu'il a rencontré le coach. Un matin, ils ont fait du théorique. Là. C'était vidéo, meeting, un couple de joueurs. Ah, mais ça a sorti un matin, la nouvelle qui dit que Nick est allé parler à Claude James et... Genre, j'ai de la compétition dans le moule. Hey, Marc Bergevin, il doit en faire tabarnak du TRX. Elle parlait à Chantal Maccabée, elle en parlait un matin au 91. Elle et tout, elle doit en faire un tabarnak du TRX. Ouais, hein, puis... Ed Thummer. Deuxième question qu'on lui a posée. On a dit, pourquoi t'es pas été chercher Mark Stone à la date limite des transactions de la saison passée? C'est une bonne question de merde. On prend exactement ce que tu t'en vas, puis si tu regardes ça de l'extérieur... Tu n'as pas entendu les conversations que j'ai avec Pierre, tu peux te poser ces questions-là, puis je suis complètement d'accord. Je te dirais exactement ce qu'il m'a demandé. Tu me donnerais la main, tu dirais. T'as bien fait. Ben, ça veut dire que ce qu'il t'a demandé, c'était beaucoup plus que ce qu'il a obtenu. Ah ouais. OK. Mais aujourd'hui, je te pose la dernière question. Oui. Gaston, pour dernière? On est là pour une heure. On va en avoir deux. La question, on va t'en chez vous. Gaston. OK. Si tu as Mark Stone dans ton équipe aujourd'hui, à la place du gars qui t'a demandé, t'as-tu une meilleure équipe là pour les deux prochaines années ou non? pour les deux prochaines les deux, trois années. Prochaines années. Mais là, le joueur n'est pas signé non plus, là. Le joueur qui voulait pour vous autres? Non, Mark Stone n'est pas signé. Là. OK, OK. Non, non, il n'était pas signé. Tu avais la crainte de ne pas être capable de le signer. Ben, aussi. Il faut que le joueur veuille signer aussi. Ouais. Là. OK, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Là. Mais je veux dire, donner un assiette que tu peux avoir pendant 10 ans pour le risque d'avoir un gars pour 2 mois, ça ne vaut pas la peine à mes yeux. OK, fait que c'est tout le temps ça. Il faut savoir s'il était pour le signer ou pas. Faut pas juste. Faut... Mettons, moi, je veux le signer. Il faut que le joueur veuille le signer aussi. Si lui dit. Sais-tu quoi? On va attendre au 1er juillet. Ouais. On va aller à Montréal, on va attendre au 1er juillet, puis là, on va prendre l'équipe. Mais tu peux pas lui demander la permission de discuter avec Stone? Okay. C'est certain. OK? Je ne l'ai pas fait. Mais encore là, on ne s'est peut-être pas rendu là. OK, c'est pas rendu là. Oui, les autres, si. Question. Si c'est Stone aujourd'hui dans ton équipe, as-tu une meilleure équipe que le kid qui t'a demandé? À court terme, ouais. À court terme, oui. C'est une meilleure équipe. Okay. À court terme. Court terme. Pour ceux qui nous écoutent en audio, Alex a comme caché sa bière dans ses lunettes. Là. Ah, mais, puis moi, j'ai vu tout ça sur j'ai le site. J'ai pris une gorgée puis j'ai comme toussé en même temps. Ah, t'as toussé, je pensais que tu riais. Ah, moi tout, je pensais que t'avais comme popé. Je pensais que t'avais ri puis je faisais comme... Ça, t'avais éternué. La réponse, pourquoi on n'a pas Mark Stone, c'est parce qu'il demandait trop. C'est ça. C'est un Normand Flynn. J'ai tout manqué l'audio parce que... T'étais déconcentré. Mais oui. Normand Flynn. Tantôt, on a parlé du camp d'entraînement de Kotkaniemi, puis ils ont posé la question justement par rapport au camp d'entraînement de Kotkaniemi. Un début un peu lent, il y a eu des bonnes parties, des stretches un peu mieux, mais dans l'ensemble, moyen. Mais encore là, c'est un camp d'entraînement. Puis, comme instructeur, Claude et son staff ont des discussions avec. On passe du temps dans le vidéo room. Alors, c'est à lui à stepper up sa game. Vous step up sa game. Puis il l'a fait. Pas jouer mieux, step up sa game. C'est à lui de jouer mieux, c'est à lui de step up sa game. Ouais, non, step up ta game. C'est le mot clé. Celui qu'on a écouté l'autre fois, l'épisode avant, le centième, qui disait ouais, on n'est pas très inquiet moving forward. Je suis pas très inquiet moving forward. En allant de l'avant. Excusez, il faut rire. Je sais plus ce que je dis. J'ai vu dans ma tête Alex qui swipe les lunettes avec la bière. Quatrième extrait, on a parlé du cas de Jonathan Drouin, justement, avec les journalistes et tout ça. Tu sais, moi, 54 ans, je peux gérer des choses que probablement 23 ans, 24 ans, que je n'aurais pas été capable de gérer. Ah, pas d'erreur. Probablement que Joe, à des époques plus difficiles, en ce moment, des périodes plus difficiles, à des époques, pas des périodes, et ça, c'est parti d'un jeune joueur de hockey, puis peut-être que c'est ça le message à Claude que... Nous, on va le supporter, puis on aimerait que les gens le supportent. Mais c'est certain, à un moment donné, Joe, il va falloir qu'il... Il y a une limite à ça. Parce que Jonathan, quand il est arrivé, c'était au centre la première année, c'était à gauche l'année passée, puis là, cette année, ça commence à droite. Il joue pas avec les mêmes gars tout le temps. Est-ce que vous comprenez, vous avez l'impression que vous y en donnez un break à Jonathan? Non, mais écoute, centre, on l'a essayé, on n'avait pas de centre. Le bord de broyer, ça n'a pas fonctionné. Alors, l'aile est exceptionnel. Il couvre les games de la Ligue junior. Le Canadien joue deux positions, on ne joue pas avec. Chazy était capable de jouer deux positions. Alors, je pense qu'un ailier de la trempe à Joe est capable de jouer aux deux positions. Puis quand il place à certaines positions, ils ont des discussions avec Joe, puis Joe est confortable avec ça. Il a besoin d'être confortable avec ça, tabarnak. À la date, on n'a rien à dire. Il a raison, là aussi. Peut-être trop de pression sur son dos en haut devant. Joe. Ouais, mais Joe, quand il est arrivé ici, tu s'est vanté que lui, la pression, il n'y en avait pas de trouble avec ça. Y a-tu un joueur qui va dire, moi, la pression, j'aime vraiment pas ça. Moi, j'aime vraiment mal la pression. Hey, people, I'm freaking out! Il y en a plein, mais ils viennent pas Montréal. Non, mais vente-toi-en pas. Fais pas mais ton conquis, par exemple. Mais il y en a plein de joueurs qui n'aiment pas ça la pression. Ils viennent pas à Montréal. Tous les joueurs qui viennent à Montréal, ils se font poser la question. Ils vont dire quoi? Je carbure. Ça me stresse un peu, là, mais je vais essayer de connaître un bon début de saison. Tu te fais poser la question. Je te demande, t'es à Montréal, tu te fais poser la question, tu vas dire quoi? Tu vas dire. T'es un compétitionneur, c'est sûr. Oui, la pression à Montréal, ça va me driver. Non, mais Dave, sans même dire ça, tu peux juste dire comme. Non, moi, tu sais, je suis là pour me concentrer sur ma game et faire tout ce que j'ai à faire pour jouer le mieux possible. Sans dire comme. Non, moi, la pression. C'est pas quand t'arrives comme un sauveur et qu'ils font une conférence de presse en plein milieu de l'été pour toi. Ouais, mais ça, c'est à faute à qui? C'est pas à faute à Drouin. C'est pas lui. Tu joues le rôle, la colle. Le gars de marketing, on dit là. You're the man. C'est la faute aux relations publiques. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas de sa faute, puis c'est vrai qu'il ils font un gros tas sur lui, mais c'est parce que... Un esti de gros tas sur lui, OK? Ouais. Mais je veux dire, en même temps... En même temps, les gens, ils s'accrochent à ça. Ben oui. C'est un Québécois. Fait que tu sais, c'est ça qui arrive. C'est que lui, les gens, ils s'accrochent à lui. Ils croient à ça. C'est un Québécois, ils veulent. C'est lui puis Dano. Non, mais ça serait comme... Dano rentre sur la glace hier, tout le monde applaudit plus fort. Ouais, mais... C'est un Québécois. Ben oui, mais c'est correct, c'est ça, c'est notre histoire. Avant, on avait des joueurs québécois, puis les anglophones, ils apprenaient à parler français dans la chambre. Tu sais, on vient pas de nulle part au tabarnak. Mais Drouin, là. Ce petit gars-là, là, le petit Drouin, là, ça, c'est un petit gars bien de chez nous qui va compter ses buts en français, qui va faire ses passes en français, puis qui va faire ses commotions cérébrales en français. Tabarnak a ignoré les journalistes francophones. T'es un hostie de trop de cul. Anyway. C'est une joke en passant. Mais Chris. Elle n'est pas personnelle, là. Jeff, personne là. Tantôt, je l'ai défendu. Jeff, t'es sûr que tu veux pas que je te vende son chandail signé? Non, c'est correct, j'en ai un. Il est signé? Mais moi, c'est un vrai. Là. C'est un voyeur qui l'a signé. Il y a les snaps et tout. Là. Il y a les stats? Ah, il y a les snaps. Non, ah, c'est authentique. C'est signé par Jordan. Il l'a porté? T'as-tu un certificat? Oui, j'ai un certificat. T'as un certificat? Je vais le voir. Je vais le voir. Mais tu vas-tu me l'acheter? Je vais le voir. Non, calé, je vais le voir. J'achète juste un certificat. C'est fuck. On va prendre une photo, on t'en a envoyé. Je l'amènerai pas ici, de calé. Cinquième extrait. Ouais, tu vas cracher de la bière dessus. C'est ça. J'achète juste un certificat. Si je porte ça, je le scap, moi, de la moutarde. Je mangeais même pas de moutarde. Ah, ben ça au laveur. Non, je te donne 500$ ce certificat. Tu splits ça les deux, genre. Genre, t'es capable. Excellent. Le vends, numéro 5, on a demandé pourquoi t'as repêché Kotkaniemi à la place de Brady Tkachuk. Oui, on a eu des discussions à l'interne. Je sais que la saveur du draft était Zadina. Mais Zadina, nous, on était pas là avec Zadina. Zadina. Mais tu regardes l'organisation du Canadien de Montréal à l'époque. Le 2 ans. Suzuki n'est pas ici. Non. L'année passée. Paturity était ici. Paturity. On avait une équipe qui avait un manque de centre. Au centre, okay. Quand tu as un centre disponible. OK, fait que tu as pris la position. Bien, j'aimais les deux. On aimait les deux joueurs. Il y en avait d'autres qu'on aimait. OK. Mais la position pour une équipe, parce que on ça prend des centres. Puis tu peux toujours, par transaction peut-être, ou même agent libre, aller chercher des alliés. Mais des centres, ils se rendent, des bons centres se rendent pas. Puis Suzuki joue même pas au centre, tabarnak. Non, il parle de Kotkaniemi. C'est très, très rare. C'est deux centres. Alors, on aimait les deux joueurs, puis on a décidé pour une organisation qui avait... Coca, c'est un centre. Quand il joue même pas au centre, non plus. Là, oui, il joue au centre, Chris. Voyons. Oui, il joue au centre. Oui. Les centres qui ont passé après les alliés, si tu leur fais le draft, tu prendrais le centre avant. OK, puis là. Mais très bon joueur de hockey, Kachuk. On l'aimait beaucoup. On l'avait Coca, c'est un centre avant. C'est un centre. C'est une série, d'après moi. On est le move. Ouais, ah, mais tu peux bouger un centre à l'aile, mais de l'aile. Ah, je suis pas sûr. C'est vrai. Je sais pas. Oui, n'importe quel centre, tu peux mettre à l'aile. Ils disent que ça se fait, mais moi, je pense que Suzuki serait mieux au centre. C'est beaucoup plus dur de prendre un ailier et le mettre centre que le centre à l'aile. Parce que il est pas explosif pour aller ses ailes. C'est un gars qui ralentit le jeu. L'aile, c'est faire du forecheck, c'est mettre du body. C'est pas le centre. Pourtant, il y a un tabarnak de coups de patin, là, Suzuki. Ouais, mais il patine bien, mais pour partir, il est pas explosif. C'est juste tough pour lui, c'est un petit crise de kit, puis même, il faut qu'il fasse des batailles sur le bord de la rampe contre des gars. Il s'est fait enlever carrément à rondelle en arrière du net de Price, puis Toronto a scoré parce qu'il a voulu jouer à rondelle. Ouais, mais ça, c'est un jeu. Ça, t'apprends de ça. Moi, je regarde plus comment il joue en général qu'un jeu. Ça, c'est du junior stuff. Ça, apprendre à jouer au hockey dans la Ligue nationale. Une erreur, ça arrive. Tu vis avec ça, mais à un certain temps, à chaque chiffre, quand c'est le temps de mettre la pression sur le bord de la bande, comment tu gagnes-tu ta bataille un contre un ou non? Moi, je suis pas mal sûr sur les coachs. Je regarde un jeu pas bon en arrière du mais net. Le pire, c'est qu'on peut, on peut parler de son dernier match préparatoire, puis il a scoré le but gagnant direct de même. Il est allé chercher la puck, puis il a été combatif en arrière du net. Le but gagnant, c'était pas en fusillade. Le match préparatoire, il a compté le but gagnant. En fusillade. Ouais, non, non, pas non, en non. Premier match en prolongation ou je sais pas trop quoi. C'était pas en fusillade, man. C'était pas en fusillade. Non, fusillade, il a manqué sa shot. Non, fusillade, il a scoré un but. Contre la Caroline, il a manqué sa shot. Il a manqué sa shot. Contre les Sénateurs, il est allé chercher la puck en arrière, puis il a fait le tour du net, puis il est allé à coller dedans. C'est ça qu'il a fait. T'as raison. Bon, il a été très combatif en arrière du net, puis il a bien protégé la rondelle. Mais s'il fait ça, c'est sûr qu'il va faire des erreurs. Mm-hmm. Il est en apprentissage, le kid. Là. C'est ça, c'est correct. Puis c'est normal, ça va arriver. 20 matchs. Mm-hmm. 20 matchs avant l'Euro. Dans 20 matchs, on en parlera. Une bad luck, comme il est arrivé de même, c'est l'équivalent 20 matchs, genre, puis Payling s'en vient. De se faire rentrer à tête basse par un joueur. Je te garantis une chose, Payling, c'est pas le prochain qui va être rappelé. Ça va être qui? Payling a été horrible. Il y a les deux matchs que tout le monde a perdu. Payling n'a pas de l'air solide à Rocket. Pas de suite. C'est pas des bonnes nouvelles là, pour lui au Rocket. Mettons, là, c'est plate à dire, là, mais Udon est plus en avance sur Payling pour un rappel. Mais moi, je pense que le prochain candidat à être rappelé, c'est Jake Evans. Peut-être. Udon, ils le rappelleront pas. Non, il était bon. Non, prendre aussi. Là, mais non plus, je pense pas qu'Udon va être rappelé. Il est plus en avance sur Payling présentement. Mais si le rappel, c'est parce qu'il y a un club qui est intéressant jeunes, à voir et ils font comme c'est fait ça, les joueurs. Parce qu'ils savent très bien que Noé, s'ils le remettent au balotage, il y a des risques. Il y a un risque qu'ils ne soient pas réclamés. Udon. Mais il y a un risque, je veux dire, dans le fond. Si on leur voit pas un risque. Qu'on s'en débarrasse? Yes! Si, ouais, mais si on leur voit, c'est pas un trade, ça. Même. Non, mais on paye son salaire. Fait que s'il va au balotage, il y a un one-way contract. Au moins, il s'en va, le salaire compte plus. Même. C'est ça. Là, il faut le payer. Fait que on espère qu'il se fasse payer au balotage. Mais il compte pas sa masse. Personne le veut. Oui, personne le veut. Pas quand il est au Rocket. Ouais, oui. C'est un one-way contract, tu comptes sa masse. C'est vrai. Oui, mais pas au complet. Ouais, c'est un pourcentage. Ouais, c'est ça. Parce qu'en 2, il paye pas au complet. Hein. Ouais, tu sors un petit genre 10%. Il en reste 3. Il gagne 800 000. C'est comme si des peanuts pour le Canadien. Pas grave, c'est une question de principe. On a demandé après ça à Bergevin, est-ce qu'il y a trop de jeunes dans l'équipe? Éventuellement, les jeunes vont vieillir plus qu'avant. Oui. Sont capables de stepper up et aider ton équipe. Alors, c'est certain qu'un Cole Caulfield qui n'est pas ici à Montréal, mais Cole je ne crois pas que ça va jouer 4 ans au collège. Là. Alors, peut-être, si tu peux, il va être capable de... Tu regardes les jeunes aujourd'hui qui percent, qui ont du succès tout de suite dans le national, il y en a beaucoup. Alors, 4 ans au collège. Attendre 4-5 ans pour les jeunes, je pense, c'est l'histoire du passé. Bon, bien, en sous-question, qu'est-ce qui rend difficile d'attirer des joueurs qui ont le choix de venir ou pas à Montréal? Le 1er juillet, exemple. Le 1er juillet, ou dans ceux qui ont des no-moves ou des non-mouvements dans leur... Écoute, aussi. Un joueur qui a... exemple, le joueur qui a été échangé de Fox, de Caroline... à Saint-Louis. Il y avait une option de, je pense, c'est 10 équipes. Puis il y avait des rumeurs qu'il allait à Anaheim. Je suis convaincu que pour aller à Anaheim, il fallait qu'il wave, mais s'il était pour le waver, il voulait une extension. Ils n'ont pas été capables de s'entendre. C'est ça que j'ai entendu dire. Alors, Anaheim, je ne te dis pas qu'Anaheim, c'est une mauvaise place, c'est la Californie, mais le joueur, souvent, aujourd'hui, il a le contrôle, il a le choix. Ça peut être raison familiale. Ça peut être raison des impôts. Les impôts, langage, le médiatique. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est tout différent. Est-ce que le pitch de vente est difficile à faire pour. Je pitch la réalité. Je pitch la réalité. Tu peux pas dire, mon gars, viens à Montréal. Fait chaud l'hiver. Puis, fait chaud l'hiver. D'un golf cart, tu vas t'acheter une souffleuse. C'est ça qui va arriver. Viens à Montréal, fait chaud l'hiver. Tu peux pas dire qu'après le match. Il y en a des choses de marde, ça, pareil, qui font RDS. C'est plate, je l'écoute plus. C'est quoi, ça, l'enchant? Vous êtes con. Condamné, ça veut dire une équipe comme Montréal. Vous êtes condamné. Il y a des joueurs qui veulent jouer à Montréal. Max Domi voulait jouer à Montréal. Oui, mais il était, parce qu'il pouvait pas, il avait pas le choix de dire, moi, je me joue. Ah, oh, je vais aller avec Saint-Louis. Non, mais il voulait, tu voyais qu'il allait jouer à marcher. Non, mais tu voyais, là, dans sa démarche. Je vois que Bergevin, il veut en tabarnak. Winnipeg, c'est pas facile. Il n'y a pas le choix. C'est pas facile non plus, là. Non, je parle des taxes. Edmonton. Edmonton, Ottawa, c'est pas facile. C'est notre réalité. Il faut gérer ça tant aussi longtemps que les autres. Mais il y a raison là-dessus. En même temps, moi, me plaindre, ça m'aidera pas. Mais il n'y a pas tort, mais il ramasse ce qu'il peut. C'est pas tout le monde qui veut venir jouer à Montréal. Il n'y a pas de contrôle là-dessus, Asti. Non, c'est sûr. Si joueur, il y a un certain contrôle, mais il peut pas. Mais mettons, on va prendre du chaîne, l'histoire de du chaîne, justement. Le panel disait juste que la NHL devrait compenser les équipes canadiennes pour la perte de revenus qu'ils ont avec les impôts. C'est clair. Je suis pas en désaccord avec ça. Lui, dis-moi, ça me donne rien. Mais au final, on va prendre un gars comme Duchesne. Il choisit d'aller jouer, mettons, à Nashville à la place de choisir. Chris, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Ouais, mais... Asti, tu peux... Même affaire pour Radulov. Si Asti, on offre le même Asti de salaire. Ouais. Non, mais au Tennessee, il y a 20% de plus de son salaire. Y aurais-tu choisi Montréal quand même? En place de faire 5 millions, il en fait 4 sites, mais là-bas, il va en faire 5. C'est comme, let me think about it. Oui, 20% d'impôts quand t'as des millions, là, c'est la seule raison que le cash pèse pas dans la balance, c'est si tu fais OK, j'ai une équipe compétitive pour la Coupe Stanley. Ou si t'es élevé par taille d'eau, je m'en vais jouer avec mon meilleur ami, je m'en vais jouer avec mon best bud, genre dans cette team-là. On se retrouve, on a évolué ensemble dans le junior. Je veux gagner. Tu sais, c'est ça. Mais là, on n'est pas rendu. Fait que toutes les équipes canadiennes sont pénalisées. Sont toutes en marde. Ouais, parce que la part du temps aussi, ce qu'on oublie, c'est que les femmes ont un pouvoir décisionnel incroyable, ces joueurs-là. Mais pas toutes les compagnies. Non, leurs femmes. femmes. Ouais, les femmes. Les femmes. Okay. Je sais pas si j'avais compris les femmes ou les femmes. Mais la femme à Matt Duchesne, elle avait mis leur conjoint. Ouais, mais c'est pas tout le temps vrai. Parce que si tu regardes Tavares, il a accepté d'aller à Toronto. Ouais, mais tu sais, il vient de là. Il vient de là. Je comprends. Mais c'est pas parce que tu viens de là. On a la preuve à Montréal que c'est pas parce que t'es un Québécois que tu vas venir jouer à Montréal. Non, mais c'est parce que. Puis ça, là, il voit qu'est-ce qu'arrive à Jonathan Drouin, mais il capote, man. Ça n'a pas rapport. C'est parce que lui, voyait le. Lui, il voyait genre le potentiel de l'équipe, plus que ces Islanders pour aller à la Coupe Stanley. C'était dans la balance, mais oui, beaucoup dans la balance. Aussi, toute sa famille est là. Man, c'est sûr que ça avait un impact, sinon il serait arrêté avec Islanders. Ça peut l'avoir, mais moi, j'y crois pas. Parce que, gars, Brière, dans le temps, là... Non, je sais, c'est genre, que loin... Brière, il a choisi les Flyers parce qu'il voulait rien savoir des médias à Montréal. Pas venir ici, ben, c'est ça, je te dis, Tavares aurait pu choisir la même calliste de raison que ça pour les impôts ou les journalistes ou ci ou ça. C'est une autre non, c'est pas différent. Ouais, mais attends, Tavares, c'est Matthews, c'est Marner. Exact, c'est ça. Il est pas tout seul. Parce que le team est intéressant. Il est pas tout seul. Tu sais, Chris... La pression, c'est sûr, ça joue dans la balance. Quand t'as un team de merde, tu fais pas comme... Si t'es la seule vedette, je vais me faire chier les journalistes, là, moi, puis toute la pression va être sur mes épaules à moi, puis je m'en vais tout seul, moi, là, au combat. Imagine qu'il n'y a pas de Marner. Pas de Marner, pas de Matthews. Tu sais, je veux dire, la pression serait juste. Pas de Marner, pas de Matthews. Il irait pas là. Tavares irait jamais là. C'est sûr. That's my point. Mais un Québécois, moi, je serais un Québécois, je voudrais pas jouer pour le Canadien, je voudrais jouer pour une équipe canadienne. Mais pas moi, si j'étais un Québécois, là, puis j'étais pas pire, là, je voudrais jouer pour le Canadien. Je ferais beaucoup d'argent anyway. Mais moi, je serais un peu de même. Non, mais si je serais un Québécois, puis je serais. Si tu serais, tu dirais peut-être pas je serais. Ah, whatever. Tu comprends ce que je veux dire, là? Je joue à la NHL québécois, ça me tente pas ouais, de mais, jouer ouais, mais pourtant, ouais, mais un Québécois avait pas peur de jouer pour Montréal dans les années 80, 70, c'était une fierté de jouer à Montréal. Ouais, mais il était plus qu'un. Il n'y avait pas un 28 médias. C'est ça, mais on a un. Demande à Martin Saint-Louis s'il arrive de jouer à Montréal. Là, le gars, il faisait une campagne à tous ses chums dans la Ligue nationale qu'elle leur demandait « Montréal, penses-tu? » Oublie ça tout de suite. À cause des médias, à cause des fans. Ouais, tu veux pas aller là. En Floride, lui, il était bien, mais personne ne connaissait. Il fallait manger au restaurant, personne ne connaissait. Le cavalier, c'est pareil, man. C'est ça, tu peux pas rien faire. Faible. Ah, il voulait pas venir. Ben, c'est sûr qu'il voulait pas venir parce qu'il y a plus de culture de Québécois et ça. C'est pas une question de culture de Québécois. Oui, ben, Chris, tu peux être un gagnant ailleurs. T'as pas besoin d'aller pas là-dedans. Si t'as 12 Québécois, dans ton équipe, là, tu vas te sentir pas mal plus appuyé par tes chums que par tes bons joueurs. Tu dis, je vais pas à Montréal parce qu'il y a trop de pression. T'es un hostie de perdant. Ben, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, t'as un peu, là. Il y a quoi dans la Ligue nationale de Québécois? Il y a une trentaine de Québécois dans la Ligue nationale? De 1,3 par club. C'est quoi si on est deux? Je pense que c'est en termes de Québécois pour vrai dans la Ligue nationale. Man. Chris, c'est moi même pas un. I'll be the loser, I'll take the money. Mais non, mais les joueurs à Montréal, tant qu'à ça. Moi, si je m'en vais là, si Montréal repêche ça, je vais le gagner. Si je fais le même salaire, je peux pas me faire chier. Prends-en. Prends-en. Je pense oui, pas, man. Ça va être long. Tu n'as jamais dealé avec des Russes. Non, m'a dit quelque chose. Tu touches un bon point. Écoute, c'est une mentalité différente. Moi, j'étais allé en Russie l'année passée, au mois de février. Ouais. Je retourne au mois de décembre. Ils veulent le garder. Ils veulent l'extensionner. Pourquoi ils ne jouent pas? Ben, c'est un moyen. Ouais, d'accord, Charles. Dire comme, écoute, si tu ne veux pas signer là, un autre 3 ans, moi, là, t'écœurer un peu. Tu ne joueras pas. C'est ça. Aïe, aïe. OK. Je te dis pas que c'est ça, mais je pense que c'est ça. Ça se faisait des clins d'œil un peu à caméra. Il veut jouer dans la Ligue nationale, il veut le Canadien de Montréal, il est venu cet été, c'est une bonne famille. Pour le Canadien de Montréal, je sais pas. Puis on a Does he really want to play? Mais il veut-tu vraiment jouer ou il veut du cash? Il veut jouer dans la NHL, mais pour avoir Montréal l'argent. Montréal ou ailleurs. Il veut-tu jouer à Montréal? Ben, Chris, il s'en calisse. Il s'en calisse sur Montréal. Ben, oui, il s'en calisse. Il s'en calisse. T'es capable de me dire là, de me dire, il s'en calisse. Non, mais il y a des grosses chances qu'il aille où le cash. Imagine, toi, t'as 19 ans, t'es un Russe, puis que... Sans quoi, laisserais-tu? Mais non, mais Chris, il a été repêché dans la Ligue nationale par eux autres. Comment tu vas s'en dire? Le gars, il va venir à Montréal. Il a passé l'été ici en plus pour voir les installations, pour voir un peu comment ça se passait. Dans un an, il est avec l'organisation. Dans un an, ça arrive, mais il reste qu'il y a quand même des des risques que ce soit différent. Mais que soit ici ou soit à Arizona. .01, tu es bon. Si soit ici ou en Arizona, je suis pas sûr qu'il ait visité les installations. Pourquoi qu'il ait visité les autres, Chris? Il appartient au Canadien de Montréal. C'est pas ça qu'il dit. Quel russe qu'on a dans l'équipe en ce moment? Quelle équipe qui l'a repêché? C'est ça, je m'en fous. On a combien de russes dans l'équipe en ce moment? On en a aucun. Bon, OK. Il y a Markov, va santé du sel, ben, ça, sel ça, ça, il y a Markov qui tient la porte au Centre Bell pour laisser passer le monde. Là, mais, où tu vas en venir? Puis regarde, il ouvre la porte de parking. Je me pose la question. Je pose une question. Ça va bien dans la chambre. Je me demandais là, dans Depth Chart si on avait des Russes. On n'a plus un nostie. Non, ça va bien dans la chambre. Non, puis c'est pas grave. Ça va bien dans la chambre? Non, c'est sûr. On n'a pas besoin non plus. Il n'y a personne qui se pogne les Il va arriver, mais il ne pourra pas rien parler. On dirait que sûrement que le Russe, il va chercher une place comme... Washington. Je vais citer Alex, ils ont le fire. Pourquoi? Parce qu'il regardait ailleurs, il appartient aux Canadiens, il faut que tu l'échanges pour l'envoyer ailleurs. Ils vont l'échanger. Julien, il ne coachera jamais un russe. C'était niché. C'est vrai, parce qu'il n'y a jamais, il n'y a pas des russes. Non, il n'y a pas des russes. Julien, il ne coache jamais les russes. On pourra voir l'année prochaine. La deuxième, as-tu fini? Oui. Le gars, il a marqué le premier à se faire rappeler, vite fait, j'avais lu ce premier à se faire raper. Non, rappeler, c'est comme ça. Il y avait une Belzile qui parlait. Belzile, le premier à se faire raper. Mais tabarnak! Ça se pourrait. On verra. Mais ce sont les fans du deuxième entraque. On revient pour la troisième période. À Laval. Bye. On est de retour pour la troisième période. Et on va aller faire le tour. Peut-être des bagues. Peut-être de la Ligue nationale. Around the NHL. Ça rentre dans les écouteurs. C'est intense, hein, autour de la Ligue nationale. On a quelques trucs, pas grand-chose, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de matchs qui se sont joués. Il y a eu le cas Evander Kane, qui fait toujours parler. Evander Kane, c'est quoi qu'il a fait déjà, lui, suspendu? Il a comme amené un ref à terre. Il a été suspendu. Je l'ai en vidéo, en fait, je vais pouvoir le mettre. Je vais le voir, parce que je l'ai pas vu. Il a agressé un arbitre, un juge de l'équipe. C'est parce qu'il a donné un coup de bâton. Il a comme tiré un arbitre à terre, il a donné un coup de bâton sur un arbitre. Quand l'arbitre a essayé de le séparer pendant une escarmouche, voilà. Ouais, mais moi, je l'ai vu au complet, le vidéo, puis... J'arrivais. C'est déjà passé, il y avait un replay. Mais honnêtement, de ce que je me rappelle d'avoir vu, j'avais l'impression qu'il avait donné un coup de bâton, mais il visait le joueur. Il visait pas l'arbitre. Puis j'aime pas Evander Kane, il a tellement l'air d'un astuce demeuré. Mais là, il dit qu'en plus, qu'il est visé par les refs maintenant, Evander Kane. C'est drette là. Du profilage racial. On va le voir ici. Là, ça va être. Il y a comme un coup de bâton. Il a pogné le ref, c'est parce que le ref est collé dans le cul du joueur de Vegas. Le ref, il est en train de. On dirait qu'il veut jouer au train. C'est comme vraiment sa faute du ref. C'est pour ça qu'il l'a envoyé en appel, ce cas-là. Je pense qu'avec. Evander Kane va pouvoir aller dans sa chambre d'hôtel sentir son argent. Je pense que le Patreon. Il a des push-ups avec son cash sur le dos. Avec le Patreon, Sonny, je vais mettre un petit écran ici, je pense, en avant, pour qu'on puisse voir les extraits. Ce serait peut-être pas pire, ça. Ouais, envoyez vos dons au Patreon.com. Ouais, quand on achète des petits moniteurs, on a un petit montant à Patreon, fait qu'on pourrait peut-être faire ça. Mais c'est poussé un peu. Non, achète pas de moniteur, achète de la bière. Ouais, je peux plus faire ça. Fuck le moniteur. Non, mais ça, on veut faire comment? Ouais, t'as bien raison, mec. On avait parlé d'acheter un moniteur, mais on a acheté. Il peut se lever. On est capable de s'arranger avec ton dos. Parce que il y a une game après, en fait, je pense, la photo. Ouais, le match d'ouverture. Le match d'ouverture après ça. Parce que ça, je pense que c'était en pré-saison. C'est un match en pré-saison. Fait qu'après ça, il y a eu un match Shark Vegas. Il était suspendu. Trois games. Ah, mais il vient clairement pas le match. Il avait demandé 6 games, je pense, au début. Début, puis ils ont révisé à 3 games. Mais le minimum, techniquement, c'est 10 games. Ouais, c'est ça. Un ref, ou si toi tu touches un ref. C'était peut-être un peu far-fetch, effectivement. Là. Il frappait le gars. Tu sais, le ref, il pogne, puis il calisse à terre. Un takedown. C'est comme vraiment. En même temps, c'était pas un ref, c'était un juge de ligne. Ok, whatever. Le zébril calisse à terre, là. C'est comme André Rassel, là. Il a tackle, il l'a pris vers la cou, il a calissé à terre. Puis lui aussi, il y a eu une amende de 3 matchs, une suspension de 3 matchs. Le juge de ligne. Oui. Mais après ça, il y a eu le match d'ouverture entre les Sharks et Vegas à Vegas. Et les Golden Knights se sont moqués un peu de Kane sur l'écran géant ici. Oh. Alors qu'on voit Seen Me, Last Seen Whining, puis avec la photo d'Evander Kane avec l'arbitre en arrière. That's pretty good. J'aime beaucoup. C'est drôle. J'aime les équipes qui commencent à être de plus en plus cocky sur les. C'est chien, mais c'est légal. Je sais pas, moi j'aime ça. On va avoir un autre tantôt un cas de. It's like a bunch of jerks. Ils sont en train de créer une certaine rivalité parce que Vegas s'est fait sortir à la dernière game en 7 avec une pénalité qui était quand même douteuse. Ça c'est de la marque. Mais. Là, il y a ça. Pas douteuse. Mais c'est de la marque. Mais Evander Kane, je pense qu'il y avait comme. Il y avait un beef sur Twitter avec le gars qui s'est pogné, là. Ah, je sais pas. Ouais, ouais, eux autres, ils ont bon, une historique. Ils ont des beef Twitter. Ouais, ouais, eux autres, il y avait comme un. Qui a un beef Twitter? Evander Kane, il y avait. Ouais, c'est contre qui que c'est pogné? Derek England. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il paraît qu'eux autres, ça fait un bout, ça durait? Puis que. Je sais pas. Il était trop en tabarnak. Je suis pas au courant des potins. Evander Kane était plus capable de maintenir sa colère. Là. J'aime quand les teams sont cocky. J'aime moins quand les joueurs sont cocky, comme Matthews, qui essaie de voir le nom dans le dos du gars qui joue contre. Il est carré comme ça. Ouais, ça, c'est un petit peu de la marde avec ta moustache molle. On va s'en rappeler, Astor, parce que Chris, il a conscience. Ouais, ouais, ouais, ça c'est. Remember ça, ouais. My name. Ouais, mais tu sais, je veux dire, quand tu fais ça, puis tu remplis le net, c'est pas si pire. Il y a ça, il y a. Mais tu sais, en tout cas, ça reste ouais, que tu t'affiches juste comme un mangeur de merde. Au bout de la ligne, c'est comment tu mets de but dans le net, tu sais. Ouais, mais c'est lourd. C'est ça, le hockey, ouais. C'est très bas. Ça, puis baisser des culottes devant une femme dans un stationnement. Ça, c'est lourd. Bien, ça. C'est une affaire de gars chaud, de grave. Ça a 20 ans, puis ça bouait aux États, c'est quoi ça? C'est même pas légal. Des millionnaires aux États-Unis. Si c'était flashé le deck devant elle, j'aurais fait comme OK, t'es deep, là, mais c'est vrai qu'il y a en fait popette. On m'apprend à l'oreille qu'il aurait fait l'hélicoptère, en fait. Voilà. il y a aussi, parlant des Golden Knights, il y a eu. C'est qui? C'est Marc-André Fleury. Pendant la même game, qui a comme donné le bâton à Brent Burns, à un fan dans la foule. J'ai vu ça. Pendant l'échauffement, je pense. Ouais, non, c'était pendant la bâton game. Pendant la game, ils sont en train de gagner 5-1 en plus, les Golden Knights. Puis il donne ça. Puis le bâton. Brent Burns, il est comme, what the fuck, mon bâton, hostie. Ben, Fleury, il a toujours été un petit baveux, tu sais, depuis. Ah, c'est drôle, ça. C'est une bonne guerre. Mais Burns, tu y vas comme ça. Burns est en tabarnak. Ouais, mais Fleury fait des affaires de même. C'est pas bad. Non, je pense pas. C'est juste comique. Oui, mais il fait avec quand même une petite intention. Mais c'est un entertainer, ce gars-là, quand même. C'est pour te sortir de ta game. C'est pas méchant, mais c'est juste un peu baveux. Oui, mais baveux. Mais baveux avec respect. Tu fais pas mal à personne en faisant ça. C'est drôle. Puis tu fais comme un fan super content. Non, mais ouais, tu sais, gars, mettons, ben orgueilleux, genre, c'est sûr que ça le met à Chris. Fait que ça ouais, paye-tu ses bâtons? Pourquoi ça le met à Chris? Paye même pas ses ouais, bâtons. Ouais, mais tu sais, je sais pas si les joueurs sont superstitieux parce qu'ils veulent avoir son bâton. Il était pas cassé, il était juste. Il l'a tapé de la manière qu'il voulait ou whatever. Mais tu sais, c'est mieux ça que Fleury le slash d'un patin, genre avec son bâton de gros. Ça promet pour le prochain match San Jose Vegas, ça c'est sûr. Mais tout ça, ça fit bien avec l'image de Vegas parce que Vegas sont un peu comme avant-gardistes dans tout. Ouais, ils sont tout. Ouais, c'est ça. Dans la promotion. Ils ont pas le choix parce que tu sais, c'est une nouvelle équipe, ils drive un peu. Ils font une identité. C'est ça, ils drive. Ils sont parlé d'eux autres à travers la ligue. Oui, mais ils sont en train de devenir un modèle en même temps pour les autres. Les autres équipes. Les Hurricanes avec le Bunch of Drugs, ouais, c'est ouais, comme ça, on a quelque chose de nouveau. Là, ouais, dans ouais, c'est une nouvelle vague, ça fait différent. C'est moins sérieux. J'allais dire ça. C'est bien moins drabe que le style flambeau. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on devrait changer un peu la méta. Ben oui, mais c'est vrai. Changer quoi? Le flambeau? La cérémonie. Oui, mais je suis 100% d'accord. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Tu savais, je sais pas si dans ton chandail, tu pourrais le vérifier, là, mais c'est écrit flambeau hein, dans le chandail du Canadien aussi. Genre, les bras mutrés, non. Le flambeau dans non. Le cul. Non. Ouais, mais ça, c'est marqué dans le col. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est marqué dans le col Adidas, là, comme la couture. Ah ouais. Mais bras bon, meurtriers, vous tendre le flambeau. Je peux pas checker, je pourrais pas vous dire. À vous de le tenir bien haut. Checkez ça, ceux qui ont un chandail à 100$. C'est un chandail officiel. T'as pas ça dans des répliques, je pense. Oui, tu l'as aussi. Hey, aujourd'hui, à job, aujourd'hui, j'ai pris une photo, j'avais un chandail de McDavid dans les mains signées. Ah ouais, Alex, c'est vraiment cool. Je suis content de te connaître, man. Je l'ai sniffé. Ouais, c'est ça, tu l'as touché. Sa main, elle a touché juste là. J'ai hâte de compter ça à Joe. Je connais un gars qui a vu un chandail. Il a touché un chandail de McDavid. Signé. Ma fin de semaine vient d'expander. Il s'entend. Grâce à toi, je vais avoir des discussions pendant le week-end. Hey, en plus, c'est un week-end de 3 jours. C'est comme des raisins en vitre sur une table de salon. M'a surfé là-dessus la fin de semaine. C'est quoi ça, le bidon de son salon? Tu vas en parler. C'est quoi des raisins en vitre? Sur une table de salon. Tu vas en parler. C'est pas des raisins. C'est sûr, ça m'a demandé pourquoi que ça, sur la table de salon. Ouais. Si tu réponds juste, bientôt tu vas savoir. C'est ce que t'en réponds. C'est ça. Bientôt tu vas savoir. Dans l'épisode du choix des poolers, on avait une case des joueurs faits en peau de pénis, justement. Et il y en a déjà un qui s'est blessé, qui est Evgeny Malkin. On l'est ici. Oh ouais. D'ailleurs, il s'est blessé comme une vraie sous-merde. C'est comme là-dessus. Il s'est blessé comme là. On va le voir en plus gros. Là. Il s'est enfargé dans ses patins puis il est out pour un mois. Ben, dans le fond, il est-tu rentré dans le gars, son coéquipier? Je pense que c'est la ligne bleue qui a fait mal. Ouais, il s'est enfargé dans la ligne. C'est ça, tu vois. Ah, ok, il est oui! Il s'est fait clipper. Il s'est fait clipper par son joueur. Mais c'est quoi sa blessure? Il... C'est quoi la blessure? Blessure au genou. Ouais. Mais, ouais, c'est un mois minimum. Il y a eu, il y a, sa blessure, il y a eu un contact c'est quoi? Au genou, là. Sa blessure, c'est quoi? Orgueil. Pour un mois. Ben, à, toutes les, vite, à toutes les années, j'ai trébuché, j'ai pas pu arrêter ma chute. En torse à la trompe de chute. En torse à la trompe de Fallop. Ouais, c'est ça, trompe de salope. Ah, mais il s'est fait clipper dans le genou. Mais ça va pas bien en ce moment pour les Pingouins qui ont une ligne seulement sur quatre qui marche. Là. Une ligne, c'est puis encore Crosby, Guenzo, puis l'autre, je sais pas c'est qui. Moi non plus. C'est ça. Il y a deux joueurs dans le team. Moi, j'ai pris Guenzo, c'est-tu dans mon pool en plus comme un quatre. Il a compté, il a fait des points. C'est un marqueur à 40 buts, c'est pas mauvais. Dave parle du pool, on rappelle que vous avez le droit à un échange au mois d'octobre encore. Ouais, au cas où. Je vais le garder parce que c'est pas fini. Ouais. Même si les Pingouins font pas les séries, il est un peu bonheur. J'ai fait l'erreur d'échanger l'année pour Matthews quand il s'est mis à scorer comme un fou l'année. Je vais attendre. Ben moi, j'ai fait cette erreur-là l'année passée puis je vais regarder Matthews. Ah, c'est parce que tu savais pas ça allait signer. Il y avait signé, non, je pense, mais j'ai comme vu Mathieu commencer en fausse. Mathieu en fausse. Je vous suggère fortement d'attendre vers la fin du mois d'octobre avant de penser à changer un joueur. Au moins vers la fin. Très, très tôt. À moins d'avoir un gars qui se blesse. Ben, comme moi, j'ai eu Hachette au mois d'octobre, j'ai échangé Carlson pour Subban parce que Carlson était parti, on ne savait pas pourquoi. Ben, dans le fond, c'est parce que sa femme allait accoucher parce que, tu sais, le dernier enfant qu'ils ont eu, quelqu'un lui avait secoué à la mort. Mais moi, j'aurais juste une chose à dire. Quelqu'un l'avait quoi? Secoué à la mort? Ben, tu sais, l'incident avec Hoffman, là, que la femme de Hoffman avait appelé la femme à Carlson pour dire « Ton bébé est mieux d'être mort », puis ça fait de la merde à Ottawa. Ouais. Ah oui, c'est pour ça qu'il est parti. Oui. Bon, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, je me dis « Ah, OK, finalement, il s'est absenté pour être avec sa femme, ce qui est tout à fait normal, mais il est revenu après une semaine. » Fait que j'ai été trouvé de sa gâchette, j'ai pris Subban, puis c'était un extrême, c'est un mauvais choix. Tabarnak, Subban avec Devos. Avec Devos, ça fait très tellement. Il est dans la même case que Carlson. Fait, je vais prendre Subban. Il est en feu. Le gars, il s'est entraîné avec sa blonde tout l'été. Ben, c'est la pire affaire. Quelle erreur. Ben, je suis 33e. Il était sur le party. C'est justement, tu sais... Tu veux nous amener sur le sujet de Gritty? Je pense que sa blonde, là, ça donne un indicatif que c'est le PQ du défenseur à prendre. Hey, parce que... Elle chatouillait pendant qu'il s'entraînait cet été sur Instagram. C'était ridicule. Sont dégueulasses sur Twitter. Sur Instagram, c'est un front, ça. C'est un front. Depuis le début, on soupçonne ça. Elle, clairement, elle a un pattern. Ouais, ouais, ouais. Elle trip, c'est black, là. C'est elle a le droit, là. Ouais, parce qu'elle a le droit. Mais écoute, elle a vraiment un pattern. Mais je te dis, là. Là, il l'a demandé en mariage. Elle va peut-être le toffer plus longtemps, celle-là. Mais Chris, elle les drop vite d'habitude. Elle a droppé Tiger Woods. Après ça, avant Tiger Woods, elle en a droppé un autre. Sûrement un joueur de basket. Non, c'est un animateur, je pense que Subban, il est plus shafté que Tiger Woods. Ben, ça, c'est ses gènes asiatiques. Tiger a une crise de réputation pour fourrer des trous, là. Ben oui. Rappelle le coup de birdie. Ouais, mais lui, le problème, c'est que c'est des all-in-one. Tu sais, checker, Lindsey Vonn, c'est quoi, Olympic Skier BBC? Mais justement, là, on parlait de la nouvelle mentalité des équipes, d'être un peu cocky, puis on parlait de Subban. On va parler de Greedy un peu. Cherche ça sur X-Hamster. X-Hamster. Olympic Skier BBC. Greedy de retour. C'est Lindsey Vonn. Avez-vous vu ce qui s'est passé avec Greedy? Parce que j'ai hâte de voir comment ça va durer. Il y a eu un match Philly contre New Jersey et Greedy n'a pas avec cette image-là. Il dit « Lindsey could do better » avec une image qui pointe vers Greedy. Est-ce que Greedy a l'air d'un pédophile quand c'est la regarde? Full pin, man. Ouais, c'est une image figée qui a l'air vraiment dans mon fucked truck. Up, man. Mais c'est les pas, yeux, quand même. Les yeux vont aller, là, c'est... Non, mais même demain, il y a comme les yeux. On dirait qu'il y a un regard vide. Mais c'est juste le sourire aussi. Ben, c'est ça, wrong. C'est parce que figé, il représente le gars de Philly. Psycho, là. Ben, il ressemble au coach de Terrain Fleury, tu sais. Mais, ça c'est beau ça. Ça, Subban, il a posté cette photo-là sur son Instagram, puis il a dit « Oh, nice one! On retourne à Philadelphie, on va gagner le prochain match. » Fait que c'était son petit commentaire. Là, ouais, il a pas été capable de l'aider. C'est lui. Quel commentaire c'est lui, là? Ouais, c'est rough. Il est agressif. Ils ont peur. Le pire, c'est qu'en plus, New Jersey, ils se sont fait défoncer ce jour-là. Ils sont pas, ils sont 4-0. Invaincus, Philadelphie, à date, je pense. Je pense qu'ils ont... Philadelphie, oui, non, New Jersey, je pense qu'il n'y a aucun New Jersey. Ah non, New Jersey. Même que Taylor Hall a fait blessé. Ça, c'est un autre club qui n'a pas essayé. Pendant qu'on est sur le cas de Philly, ils ont maintenant une Rage Room à Philadelphie. Une Quoi? Une Rage Room. Donc, ils vont péter un plomb dans Rage Room. Tu peux payer 35$ ou 60$. Je pense que t'as 15 minutes. Tu peux péter genre des. Tu peux péter des bâtons. Des bâtons, des télévisions. Comme un peu Patrick Roy avec des petits bâtons dans les TV des moniteurs VHS. Lui, il défonçait des portes. Des portes aussi. Ils ont mis une coupe de portes dans le vide, tu sais, comme dans Passe-Partout. Mais tu c'est un décor plein. C'est juste un code avec la porte. Il y a un décor. Il y a un décor plein, puis il pète des portes. Avec un bâton, hostie. Il y a un décor que tu peux défoncer pour faire peur à une femme. Tu peux prendre genre une poupée de chiffon de Gritty puis tu smashes dans le mur. Hey, ça va mal finir cette affaire-là à Philadelphie. C'est sûr. Ils sont déjà pas assez agressifs de même, les fans de Philly. C'est leur premier rage. Souvent, il est mieux de se faire écœurer par Gritty de même que de se faire lancer genre une banane sur la patte noire. Ça arrive rapidement. Ça, c'était beau. C'était qui? C'était-tu Wayne Simmons? C'est pas. Mais le goaler, Brad White, s'était fait lancer une banane. Ah oui, c'était ça. C'était ça. Brad White. Il y en avait un autre aussi. Normal. Oh, pauvre Norman. Il est même plus noir, lui. Rendu Paul. Le goaler ou l'animateur? Les deux. Si c'est l'arbre. Des Rage Room, Brad White, ouais, il est mort. Ouais, ben, il y en a, mais le goaler. Dans le centre. Non, c'est ça, mais c'est Gay Emery qui est mort. C'est vraiment dans le centre de hockey qu'il y a le Rage Room. Pour les joueurs. Non, c'est pour les fans. Ouais, je pense que c'est un par période qui peut y aller. C'est vrai. Un par période. Le goaler, Brad White. C'est une personne par période qui peut y aller. C'est peut-être trop long. J'espère qu'il donne un DVD du gars qui se pète les affaires. Hey, viens payer ton billet. Pas une période parce que c'est dans le Rage Room. Mais allez voir, il y a déjà des vidéos de Rage Room là-dessus sur YouTube de Philly. J'avoue, t'es en crise d'avoir payé 200$ son billet. Tu viens tout décalisser. T'as un DVD puis un petit toutou en plastique. Mais t'as manqué de période. Puis t'as Greedy qui te fixe pendant que tu pisses dans les toilettes. Ouais, mais ça, il regarde ta gueule. Ça fait qu'une pause parce que quelqu'un va se couper avec un morceau de. Tu n'es pas aussi grosse que Tiger, hein? Puis qui n'est plus grosse que toi. Deux petits points. Des grosses graines. Deux petits points. Qui me restent en terminant. Ça a l'air que Ovechkin, dans sa gourde, c'est pas de l'eau qu'il y a, c'est du Dr. Pepper. Ah, et c'est pas une farce. C'est non, c'est, ça. C'est vrai, Ovechkin. C'est comme le gars qui mange la moutarde. Du Dr. Pepper. Ça se peut. Il y a, ça expliquerait ses cheveux blancs. Il y a bien des joueurs qui ont dans leur gourde, c'est pas rien. Mais lui c'est du Dr. Pepper. Il y a plein d'affaires. J'en ai vu d'autres. Souban, c'est du vin. Un Russe qui boit du Dr. Pepper. Souban, c'est du vin blanc. Souban, c'est du vin blanc. Souban, il va chercher ça dans son cellier. Non, mais un joueur, ça a sorti. Il y a un joueur, je pense qu'il met le Power Ray. C'est Mark Letestu. Il mangeait des sachets de moutarde. C'est Mark Letestu. Non, mais ça arrive souvent, ça. Des fois, tu vas voir. Moi, je me souviens, une game, c'était Chara. Man, il est arrivé, puis c'est calé une canotte de Coke. Là. Ouais, les Red Bull. On va pogner un boost. Oui, de pour sucre, le sucre, là, mais ouais. La moutarde, là. La moutarde, ça t'empêche d'envoyer des crampes. Ça a l'air qu'ils ont donné une raison. Ah, c'est ça? Ça t'empêche d'envoyer des crampes. La moutarde, ouais. Tu n'as pas d'un problème. Tu vois, il est au bal, il mange un sachet de moutarde. C'est dégueulasse. Je pensais que c'était pour le réveiller un peu, mais ça a l'air que c'était pas ça. Pour les crampes. Les connes, c'est du rosé. Après, c'est la langue jaune. Les connes, c'est du rosé. Pitié, ça va avec son teint. Non, un spritz, là. Un chipichonnet. Un apéro spritz. Un petit apéro framboise. Ça goûte du cul, ça tabarnak. Souban, il a son cellier sur le banc direct. Pas son cellier, son vignier en fait sur le banc. Il a son vignoble. Il a mis sa cave à vin. Sur un chariot. Back moi up la cave à vin. Ouais, mais c'est l'entrée de la Zamboni. Je m'en colle. Souban, le vigneron. Il tire le rack à vin sur le plancher, puis là, ça fait comme. Puis finissons sur dernière fois le cas d'Austin Bufflin en ce moment qui fout la merde chez les Jets. Mais lui, c'est quoi? Il doit arrêter, Carlis. On sait pas. Il a-tu recommencé à jouer, non? Non, il médite pour voir s'il veut jouer ou pas. Puis là, les Jets sont vraiment dans la merde. Ils ont perdu Chris, leurs 4 meilleurs défenseurs. Ouais, mais on s'attend-tu que si lui revient, ils gagneront pas soudainement? Ouais, mais pourquoi qu'il médite? Ben, Winnipeg a recommencé à gagner soudainement. Il veut savoir si. Oui, mais je pense pas lui, il va faire la différence tant. Il va faire. Non, mais ça va aider la défensive. Il y a une bonne partie. Mais pourquoi qu'il médite? C'est quand même un bon joueur. On sait pas vraiment c'est quoi. Je pense qu'il est allé dans le divorce. Ben, ça se peut parce que c'est des raisons personnelles. Puis là, il est en train de méditer pour voir s'il veut continuer à jouer au hockey ou pas. Fait que les Jets l'ont suspendu pour. C'est une question mathématique. Get the fuck out. Pour la masse salariale. Fait que. On va voir. Moi, c'est quoi? Moi, je pense que. J'avais peur. Bufflin, d'après moi, là, c'est le next à Lindsey Vonn. Ah, peut-être qu'il prépare une grosse annonce. Good catch. C'est... Boom, zup! Il est pas assez foncé. Il est en train de se pogner Lindsey Vonn. Il travaille là-dessus. T'as peu. En parlant des Jets, around the NHL, il y a une autre affaire, c'est en parlant des Jets, c'est que j'ai vu, il y a... comment est-ce que c'est? Lainé, il a donné un article genre d'un journal finlandais, ça a l'air, puis il dit qu'il joue plus à Fortnite. puis qu'il a plus le droit de traîner sa console avec ouais, lui. Ouais, non, ils l'ont. Ouais, ils ont tout chopé ça. Ils jouaient ouais. à Fortnite. Ouais, ah, il y avait des problèmes de jeu. Oui, il y avait des problèmes de jeu parce qu'ils jouaient tout le temps à Fortnite. Ils ont démontré que quand il y avait. Faut-tu mettre l'extrait de Pyrrhus, man? Lenny joue. Lenny a un problème de jeu. Non, mais ils ont démontré l'année passée, l'année avant, que quand il y avait des mauvaises séquences de Fortnite, il était pourri sur la glace. Il a fait une corrélation entre les deux, puis en fait, tout arrête de jouer à Fortnite, est-ce que. Mais non, mais c'est parce qu'il jouait toute la calisse de nuit. Ouais, mais Fortnite. En plus, quand il était mauvais, il le fuckait mentalement. Puis quand il était dans le boss, il parlait à personne, tout ça, il jouait à Fortnite. Il jouait tout à Fortnite, c'était genre. C'était... Ouais, moi, en passant, j'ai travaillé jusqu'à 3h du matin la nuit passée sur Lost It versus Screen, puis je t'arrête de pogner les nerfs parce que je suis pas capable de faire de quoi. C'est un Népal. Ben là, je me suis couché tard, j'ai dormi 3h, puis j'étais pas mauvais. Ouais, you do that. Ouais, mais c'est pas moi tu travailles quelque chose. Parce que Dave, si t'avais fait ça. J'ai choisi de coucher à 3h. Si t'avais joué à Fortnite, ça aurait pu jouer à Fortnite. Pour rien, calisse! Tu peux pas faire ça, Dave. Non, t'as appris de quoi? T'étais à Pinot? J'ai appris, j'ai topé, hostie. J'ai topé. 3h du matin. On passe les shooters de Jack, hostie. Un jeudi. Sors le Jack! Calme-toi, hostie. Miel! On peut en prendre un pour le sentier. Ouais, pour le sentier. C'est bon, hostie. Sors le Jack! Je prends le whisky. Sors le Jack! Je sais pas, j'ai. Il y en a assez certains. On va prendre un shooter pour le centième épisode. J'ai pas de. Ça me rappelle. Il y a plein de shooters de Oui, ils sont là. Honnêtement, là. Ah, ben oui, c'est vrai, ils sont là. C'était mythique, hein, le show de Noël quand on a calé une bouteille. J'aimais ça. Rappelez pas au combat. Ouais, rappelez pas ça. Remplis pas ça, là. À ligne, on c'est est bien fif. Parce que tu vas voir, parce que sinon, c'est un afternoon moi, je delight. Moi, je t'arrête à la ligne ici pour afternoon. Non, la ligne. T'es malade. T'es faible. Si tu veux faire ton call-out, tu vas fermer ta gueule. Il y a d'autres shooters en arrière, des longs. L'autre jour, j'ai monté. Il en manque juste un, oui. Je réécoutais la vidéo, justement, du spécial de Noël. C'est énorme, là. Moi, ça va moins plus mal. Mais faut se rappeler sur le fond. C'est un hostie de verre. Ouais, c'est une moitié de ça, moi. Calice, là. Un bon Jack. Ouais, ben sites, non, mais un bon Jack, c'est délicieux quand même. Là. C'est... Ok, c'est assez pour moi. Moi, je chauffe tantôt. Là. Ah, moi, tout. Hey, Malette, moi aussi. Tu commences. Pas, ok, mais un petit peu plus, si tu veux. Ah! Put ok, stop. Put a dash. Est-ce qu'on laisse Malette faire son call-out avant de boire? Non. On boit puis on call-out. On call-out, ouais. Le pire, c'est que je vous mets en plein milieu du call-out. Un petit dash là-dedans, là. Chris, t'en veux plus, hein? Mais non, mais Chris, il y en a plus, Manette. Ben, il en voulait pas beaucoup, puis il y en a plus que moi. J'ai dit un dash, c'est bon, ben boire, plein. Là. Qui voulait pas boire? Oui. J'ai jamais dit ça. Ouais, c'est 2 onces, ça. T'es ouais, fou, ben. Moi, donne-moi une once, là. Je conduis pas. Ouais, oui. T'as 2 onces facile. Je conduis. Mais on est de suite. Non, j'ai .08. Moi, je peux appeler .08 et m'amener à la maison. Ben oui, moi, tout, ben moi, tout, j'ai .08. On va coûter 200$. Quand je chauffe ta ballon, j'ai .08. Un shooter, genre... À... On va coûter 200$, mais il m'emmène à la maison. Ah ouais, maison. On va se mettre sur la caméra centrale, au moins, pour faire notre cheers devant tout le monde, là, cette caméra-là. Pour, OK. Toutes les astuces d'idées, Alex Calis. Mais déjà, parce que j'ai pensé à juste Jameson. C'est parce qu'on veut t'avoir comme le show du Jameson. Là, ça va te primer. Moi, je suis même pas là en plus. Fait que c'est comme le premier show que je prends. Ça va te primer puis ton corps. Cheers à nos fans qui nous ont enduré pendant 100 épisodes de notre cacophonie incroyable. Merci d'être là, tout le monde. Merci d'être là. Puis au nouveau. Merci à tous, sauf Matt Lamar. Ouais. Matt Lamar moins le sac. Ouais, on sait qu'à 6, c'est un peu rough, mais c'est ça. Mais merci de nous supporter, ça. C'est pas Matt Lamar. Happy Chin Chin, les boys. Pour 100 autres épisodes, mesdames et messieurs. Guy. Bon centième. Hey, c'est pas Matt Lamar, moi, le nœud. Guy, c'est pas toi, ça. Je vous encule toutes. Voilà. Ouais, pour le trip pontage à Guy. Merci, Guy. Délicieux, ça. Guy. Ah, oh, tabarnak. C'est super bon, Jacques Daniels. Ah, tu vois? Si vous êtes beaucoup mieux que je pensais. C'est très bon du Jack. Hein. Ah, mon souvenir était beaucoup plus rough. Je devais être fou. Moi, j'ai juste fait ça a passé comme des je devais être sous parce que j'étais malade du soir. Ah. Là. Il nous reste un truc à faire pour cet épisode et c'est le fameux call-out à Jeff Mallette. Jameson. Et on vous rappelle que la soirée du podcast et ses membres se dégagent des propos de Jeff Mallette. Mais là, t'avais pas fini encore de faire des faces. Mallette capote. Alors, okay. Prime faible. Fais pas ta graine, Nasty. Sois rough, là. Je suis pas habitué. Pense au Jameson, ça va bien aller. OK. Vas-y, Jeff. Je vais faire, dans le fond, juste un shout-out à TVA Sports pour la production de samedi dernier. Premièrement, ils ont coupé le début de la fusillade. J'ai manqué le shot de Matthews. Mais non seulement ça, dans le fond, ce que j'ai aimé pendant le match, c'est le courage de Renaud Lavoie. C'est gros en crise, hein, c'est pointu. Renaud Lavoie, tu sais, qui est dans le fond, il est entre les deux bancs, genre, pendant la game. Ouais. Ben, quand j'entends Drouin, il a voulu faire une mise en échec, puis il a passé par-dessus la bande. Mais le petit Renaud, genre, il s'est comme couché à la tête, puis s'est mis les bras devant le visage. Fait que je trouvais ça quand même très agréable et drôle. Il est fait comme dans un avion, genre. Non, c'est ça. Puis la première chose que j'ai checké, c'est pour voir s'il n'était pas dépeigné. Mais tu sais, vu qu'il est frisé, il ne se dépeigne pas, même s'il y a du vent. Il y a aussi le fait que pendant qu'il y a eu la pénalité à Kapanen pour obtenir son bâton, c'était un peu mêlant. Le monde ne comprenait pas trop ce qui se passait. C'était-tu une pénalité? C'était-tu une fuite? Whatever. Il y avait eu, genre, tu sais, Stéphane Auger. Stéphane Auger, que tu n'as pas vu de la game, mais Stéphane Auger, c'était un peu le clippy de TVA Sport. Clippy. C'est le petit épingle dans Microsoft Word. Tu sais, quand tu cherches de quoi, tu peux super interrogation. Fait que là, tu sais, genre, quand Félix Séguin ne comprend pas les règlements, il dit bon, ben voilà, Stéphane Auger. Bonjour Stéphane, pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui s'y arrive? Ouais, Stéphane Auger, il est dans le salon chez eux, lui. Puis il est tout le temps du bord des arbitres. Il est tellement de la merde, lui. Il est tout le temps du bord des arbitres. Non, il avait raison. Il peut jamais dire qu'ils n'ont pas raison. Fait que là, c'est ça. Je pense qu'une fois, je l'ai entendu dire, genre, ouais, là, j'avoue que... Ouais, mais là, jamais... c'est normal. Là, mais moi, j'écoute plus Stéphane Sport. Je mets ça à 1-2-0-5. Moi, je l'écoute pour mon père. Ah, OK, bravo. Ben, fait que ça, j'ai trouvé ça drôle un peu, mais sérieusement, là, c'est pas pour rien qu'ils font le bord du brancoute, là. Mais mon call-out officiel pour la 100e épisode de cette année, je le nomme à un homme qui fait parler beaucoup de lui ces temps-ci, depuis tout le monde en parle. Et je parle du sénateur Serge Savard. Oh. How dare you, sir! Laisse-moi finir. Tu vas comprendre où ce que je veux en venir. Monsieur le sénateur Savard qui a fait une biographie écrite par mon préféré, Philippe Quentin. Genre, c'est tout un match. Le philatéliste. Je le félicite pour ça. L'affaire que je déçus, Serge, c'est que tu pognes un bout de ton livre pour critiquer Jeff Monson et Marc Bergevin. Mais t'as sauté des chapitres dans ta vie. Quand tu joues pour le Canadien de Montréal, mon cher, je me suis renseigné. Quand tu demandais à quelqu'un de te faire une liste... Comme Donald Trump. Fais-moi ton Donald Trump, il s'est renseigné. C'est ça. Quand que Serge Chavard demandait une bière à quelqu'un, si la personne lui donnait une bière, il jugeait. Il fallait que tu lui donnes une caisse de bière. T'sais, Serge Chavard, c'est un gars qui aimait beaucoup la boisson. S'est fait arrêter à plusieurs reprises pour ivresse au volant. Tu parles pas de ça dans ton livre. Tu parles pas aussi du fait que tu étais le sénateur. T'sais, quand tu étais directeur général, là, tu portais des chemises détachées avec des bretelles. Là, tu te prenais pour Giuseppe. Là. Tu parles pas aussi des pensions alimentaires que tu payais pour acheter le silence. Hein? Fait que, mon Serge, tu passes la semaine à parler lourd, du Canadien de Montréal. C'est... pour dire qu'il n'y a pas assez de Québécois. Là, c'est rendu que le premier ministre parle de tout ça. C'est rendu que les médias parlent qu'il n'y a pas assez de Québécois à Montréal. Tu ramènes le passé autant que Savard l'a ramené. On dirait que c'est dans ma tête. C'est comme tu chiales sur un gars qui ramène le passé passé. C'est comme si ça marche pas. On va te laisser finir ton call-out. Finis ton call-out. Laisse-moi finir. Call-out, s'il vous plaît. Laisse-moi finir, OK? Mon call-out, je le fais là. Je le fais là, présentement. Je call-out Dave parce qu'il parle trop. Donc, cherche Savard. Premièrement, tu devrais commencer par fermer ta calice de gueule à santé, là, tu sais, ta compagnie, là, Chris, à un moment donné, regarde-toi dans le miroir. Qui a fait des milliards. Qui a fait des milliards. Écoute, tu dis, Bergevin retourne pas mes appels. Mais oui, Chris, si tu passes ton temps à le blaster, tabarnak, penses-tu vraiment qu'il va retourner tes appels? Il parlait de la première journée qu'il est devenu DG. Mets le contexte, là. Écoute, j'ai écouté la conversation à radio. Il a parlé de ça. Au début, début. Bon, ben, bon, calotte finie, là, tout le monde. Bon, Jeff est fâché. Mais là-dessus, tu joues un petit peu. C'est un petit peu rough pour rien. On dirait que quelqu'un critique l'organisation. Tu peux pas parler de sa passion. Mais là, c'est décevant comme call-out de 110. Là, tu finis-le, ton call-out. OK, finis ton call-out, on parle plus. Il faut qu'il finisse parce que c'est comme le pire call-out en 100 épisodes. Bonne soirée, tout le monde. Il est fâché. Moi, je suis venu pour voir Jeff avec des veines dans le front. Ouais, là, c'est bon comme... Moi, Philippe Quentin qui a écrit ça. C'est un récit. On dirait que tu fais comme un call-out de jaloux puis hargneux. Parle-nous des Québécois. Non, mais non, Chris, si Serge Chavard, sacrément, c'est dépassé, ça. Oui, peut-être, mais il y a quand même sa place à la table. Puis il a le droit de dire quand l'autre est engagé, il dit « Hey, t'as été engagé, donne-moi un appel. » Puis l'autre dit « Oui, je t'appelle. » Puis il l'appelle jamais. Il a juste dit « Hey, j'ai dit, appelle-moi quand tu viens de t'engager comme DG du Canadien. » Appelle-moi le kid, je vais donner une coupe de conseils. Hey, Jeff, le gars dit oui, je t'appelle, puis là j'avais appelé. Puis après ça, deux minutes après, il a demandé tout, t'as-tu appelé Sam Pollock pour donner des conseils? Il a dit non, je l'ai pas appelé. faut pas que tu te choques parce qu'on challenge ton corps. Pas, je me choque on pas, t'aime quand même. Là. Hey, si je perds le son, même. Moi, ouais, j'ai perdu ouais, le son. J'ai perdu quoi? J'ai perdu le son. Ah, si! Ah, c'est revenu, c'est revenu. Mais là, on t'aime quand même. Non, je sais, mais ça finit. On challenge ton call-out, c'est pour le plaisir. C'est pour ça qu'on finit ça là-dessus. Ça touche, c'est le plaisir de la table. Il n'y a plus de call-out. La centième, après le shooter, c'est un gros crise de malaise. Hey, fais-moi un prank. C'est un gros coït interrompu. Mais ouais, j'étais bien bandé. Ouais, c'est ça. Moi, Philippe, j'étais prêt à t'amener des rideaux là-bas. Okay. Là, finalement, je suis okay. Là en poudre. Hey, man. On repart. On le recommence. Ça n'avait pas eu lieu. Comme toutes vos gueules, mets ton doigt. On t'écoute. Parle-moi de Quentin. Mets ton doigt. Parle-moi de Philippe Quentin. Finis-les. Mets ton doigt. Mets ton doigt. Mets ton doigt. Parle-moi de Philippe Quentin. Qui c'est qui veut que je passe le doigt? Vas-y, toi, ouais. Tu parles de fais le call-out que tu files, que tu mérites de faire. Attends, on parle pas. Je sais. JF, parle-nous de Normand Flynn. Non, parle de Serge Chavard si tu veux, on s'en calisse. Non, je veux qu'il nous parle de la tablée à RDS qui interviewait Marc Bergevin. Ben, premièrement, j'ai écouté l'émission de l'antichambre au complet avec Normand Flynn. Là, ouais, juste la manière qu'il était habillé, ça paraissait que c'était un gars qui voulait coacher des enfants au soccer avec sa chemise détachée jusqu'au nombril. Avec des bretelles. C'est comme. En plus, il a dit. Là, Marc. Fermez vos yeux, en bobette. Marc, là, je veux pas te challenger, là, mais je vais te poser la question pareil. Là, il pose ses questions, genre, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Moi, en passant, je prends pour les sénateurs. Alors, pourquoi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Puis là, il revient toujours sur des joueurs des sénateurs, tu sais, comme Mark Stone, Brady Tkachuk. Tu sais, Normand Flynn, là, un moment donné, il faut que tu apprennes à fermer ta calisse de gueule. C'est ça que j'aime pas des joueurs analystes parce que, dans le fond, ils sont tellement caqués que c'est seulement eux qui ont la. C'est des joueurs analystes. Des joueurs analystes. Normand Flynn, c'est un joueur analyste. C'est un ancien joueur de hockey. La barnac. Écoute, il a joué quoi? Joué au hockey. Junior O. Écoute, il y a tellement. Les Chevaliers. Non, Flynn, il a coaché. Il a joué le nombre de matchs tellement là, que c'est pas assez pour avoir une carte de hockey. Normand Flynn, il est pas sur Hockey DB, man. Ah, tout le monde est sur Hockey DB, si. Mais moi, je pense qu'il est sur Hockey DB. Mais Normand Flynn, là. C'est un ancien coach, Normand Flynn. Je suis tellement déconcentré, boys, là. Ça va terminer sur une décision. Le shooter, man! C'est pas le shooter pantoute. C'est le shooter, mesdames et messieurs. On vous rappelle que vous aurez la chance de rencontrer JF Mallette le 14 décembre. En fait, c'est Olivier Roberge. Tu pourras aller serrer la pince à JF, il va être au Centre Bell lui aussi. Lui, il y a des billets. Ah, ouais, oh, OK. Hey, on aurait tous acheté des billets parce que tu y vas. Ah, oh, ben, tabarnak. Tu avais 4 billets. OK, le sang sort du sac. Les billets, en passant, j'aimerais remercier notre commanditaire, là, la compagnie Williams et Associés, qui est une compagnie de comptables, qui nous a offert les billets, qui écoute notre show. Williams et Associés. Qui nous ont offert les billets pour les partisans. En tout. En sérieux, là, je parle sérieux. Merci parce ouais, que c'est fucking cool parce que. Voir qu'on a des billets à faire tirer. Parce qu'on fait tirer des fucking billets pour notre podcast. Puis ça, c'est ça, coche. C'est ça. Puis lui, c'est un merci. Fan du podcast. Il adore notre show. Puis il voulait nous donner un petit quelque chose pour les fans. Pour mousser un peu le pool de hockey. Fait que merci pour ça. Ouais, merci, peu, merci. Moi, j'y vais. Ça a donné de même. Moi, j'y vais. Je vais vivre l'expérience avec mon fils pour la première fois au Centre Bell. On s'en va voir la game contre Détroit. C'est des billets que j'ai reçus grâce à mon libraire. Fait que. Libraire? Ouais. OK. Mais ce qui est vraiment hot, c'est que, c'est que maintenant. Mon libraire? Le prix de moi, j'ai pas un libraire. Le prix de participation du pool est plus grand que le prix du gagnant du pool. On peut réviser nos affaires un peu. On va regarder ça là, pour la fin de saison. Ah, mais Chris, on peut pas savoir. C'est pas constant. Le prix, on le paye, nous autres, par exemple. Le gagnant du pool se méritera un merveilleux titre. On espère que ce sera mort. Parce que comme ça, on va de valeur de 20$, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Un beau. On va y donner un beau brouillé. C'est ça. La bouteille est vide en plus. Avec du popcorn. Du popcorn fait par moi-même. Ben, hey, ben voilà, je pense que ça fait le tour de cet épisode. Hey, c'est le fun. À la prochaine. Merci tout le monde et on s'envoie dans deux semaines. Hey, à la prochaine tout le monde. Ah, ok, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben non, rien. Hey, ça fait mal en tabarnak. Recommence. On s'envoie dans deux semaines. T'as gâché le calote, tu gâches la fin. On s'envoie dans deux semaines. À la prochaine tout le monde. Bye. Au revoir.